Auditrice et auditeur, bonsoir, vous êtes bien sur Guimauzo, radio libre depuis 40 ans, eh oui, il faut le faire, hein. Oui, la liberté, on y prend goût. Alors, le programme de ce soir, eh bien, bon, Serge Faubert, les petits calculs de Macron, ensuite témoignage de Simone Veil sur sa déportation, Simone Veil raconte ce qu'elle a vécu, hein, la déportation. C'est une période qui est loin de nous, hein. Sauf que, par certains côtés, notre époque, elle ressemble à cette époque-là. Et puis, elle pourrait ressembler vraiment. Il y en a qui font ce qu'il faut. Serge Faubert, le retraite, petit calcul de Macron. Qatar, mondial 2022. C'est un scandale mondial. François Ruffin, je défie Macron de faire un référendum sur les retraites. Assurance chômage, arrogance et maltraitance. Par Mathias Tavel, député de la France Insoumise. Un jeune député, qui a un brillant avenir devant lui, à mon avis. Et puis voilà, une petite revue de presse et ce sera tout pour ce soir. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Le calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 17 octobre. Que s'est-il passé le 17 octobre 1861, par exemple, en France ? Un ouvrier parisien répond à l'appel paru dans l'opinion nationale « Je crois, comme vous, que les ouvriers de Paris sont intelligents. Et pour ma part, je vous remercie de l'opinion que vous avez d'eux. Mais comment concilier cette intelligence avec cette inertie ? Comment ne cèdent-ils pas eux-mêmes ? D'un comité exclusivement formé d'ouvriers se forme en dehors du patronage, de l'autorité ou des fabricants. Si inoffensif que soit son but, soyez certain qu'on ne lui permettra pas de l'atteindre. Un ouvrier qui s'occupe de questions politiques dans le pays du suffrage universel est considéré comme un homme dangereux. C'est pis qu'il s'occupe de questions sociales. Alors je rappelle que nous ne sommes pas en 2022, nous sommes en France en 1861, hein, le 17 octobre 1861. 1910, France, les cheminots reprennent le travail. Ils obtiennent une augmentation de salaire, mais les révocations pour fait de grève sont nombreuses. 1919, Palestine, premier congrès du Parti ouvrier socialiste qui se détache peu à peu du sionisme. En 1924, il adhérera à l'Internationale communiste. 1932, Autriche. Le chef des groupes fascistes, Heimwehr, Frey, est nommé secrétaire d'État à la sécurité nationale. 1932, hein, en Autriche, pas 2022 en France, hein. Non, non, rien à voir. 1937, Japon, la Fédération pan-japonaise du travail, Zen Nihon Rodo Sodomai, proclame la suspension des grèves pendant la durée de la guerre, ainsi que son soutien à la guerre de libération de l'Asie, entre guillemets, guerre de libération de l'Asie, bien entendu. Hein, vous les aviez mis, les guillemets. 1940, Inde, avec Gandhi, début d'une nouvelle campagne de désobéissance civique. Désobéissance civique. Et voilà deux mots qui vont bien ensemble. Et Gandhi, c'était quelqu'un. Il avait de la personnalité, lui. Il avait du courage, lui. Oh oui. Il a jamais voté pour Macron, lui. 1945, Argentine. Les sans-chemises des faubourgs Buenos Aires et la voix de Spikrin Evita portent au pouvoir Perón. l'homme qui dominera la vie politique jusqu'en 1955, Perón et sa femme Evita, inventent le justicialisme, une sorte de fascisme qui refuse de tomber dans les excès de Mussolini. Et oui, marcher au bord de la casserole du fascisme sans tomber dedans, c'est pas facile. Eh oui. Il y a en Autriche, en Suède, en Italie, et à pas mal d'endroits. Ouais. 1961, France, à Paris, entre 18 et 23 heures, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens, hommes, femmes et enfants, manifestent pour l'indépendance de leur pays. La répression est terrible. Les rapports officiels parlent de 11 538 arrestations, de 2 morts et de 64 blessés. Mais en réalité, il y a eu quelques 200 morts et 400 blessés. Un mot nouveau a fait son apparition, entre guillemets, ratonnade. Le vocabulaire de la honte s'enrichit, déjà, encore. 1972, Corée du Sud, proclamation de la loi martiale. 1973, premier choc pétrolier, date à laquelle on a l'habitude de faire remonter la crise économique. Oui. 1978, Europe, le plan d'Avignon, soumis au ministre de la CEE, prévoit 140 000 suppressions d'emplois dans la sidérurgie jusqu'en 1980. Ils ont troqué leur colmar au bout contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché-caisse. Citoyens de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmar pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmar et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux. Ils ont troqué leur colmar pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux. Les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué. On n'est pas aux pièces. Nous ne nous interdisons rien. Cette réforme, les Français n'en veulent pas. Nous déposerons une motion de censure. Pourquoi est-ce que vous partez du postulat qu'il y aurait un 49-3 dès le début ? Une réforme des retraites ne se fait pas par un amendement. Je suis évidemment favorable à une discussion parlementaire. Il faut prendre le temps de la concertation avec les groupes politiques et avec les partenaires sociaux. Je vous redis que ceux qui aujourd'hui vous expliquent qu'il faudrait augmenter les impôts ou la dette ne changeront pas d'avis. Emmanuel Macron et le gouvernement qui se divisent sur le meilleur moment pour réformer les retraites. C'est le sommaire du numéro 12 du Bonbon de Serge. C'est donc mercredi soir à l'Élysée qu'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et François Bayrou décideront de la façon dont ils entendent faire passer la réforme des retraites. Deux voies s'offrent à eux. Soit le dépôt d'un amendement lors de l'examen en octobre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Amendement qui porterait l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Soit la présentation d'un projet de loi en janvier 2023. La question n'est pas anecdotique, car le recours à un amendement ne fait pas l'unanimité dans les rangs de la majorité présidentielle. Pour François Bayrou, cette façon de procéder pourrait jouer le même rôle que la taxe carbone dans le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Il l'a rappelé à ses amis dimanche, à l'occasion de l'université d'été de son parti. Et j'avais dit, on ne gouverne pas contre le peuple. Les gouvernants portent des réformes, elles sont souvent bien inspirées, mais s'ils n'ont pas le soutien du peuple qui les a élus, ces réformes sont bloquées et ne passent pas. Parce que la société est tellement éruptive, tellement capable de s'enflammer, et même de violence. On n'est pas aux pièces. Prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, ça compte, mais pour la réforme elle-même. Le président du Modem a raison de s'inquiéter, car la voie de l'amendement conduirait à l'escalade. Faute de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée, le gouvernement pourrait être contraint de recourir à l'article 49.3. La première ministre, hier, n'a pas écarté cette hypothèse. Ma méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué. C'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter. Donc c'est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage. Que dit l'article 49.3 ? Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée. Et cette motion de censure, une partie des oppositions a d'ores et déjà l'intention de la déposer. Nous ne nous interdisons rien. C'est même pour ça qu'on a été élus. On ne s'interdit rien. Nous déposerons, si c'était nécessaire, nous-mêmes une motion de censure. On n'a pas besoin des autres. Je vous rappelle qu'on est le premier groupe d'opposition. Ce sera plutôt à eux de se positionner si nous déposons une motion de censure. On ne s'interdit pas d'en voter une autre si on jugeait ça intéressant et opportun. Mais nous ne nous interdisons rien. Il faut que le gouvernement comprenne que nous sommes exigeants. Nous sommes une opposition exigeante et que la brutalité avec laquelle il compte entreprendre cet examen du PLFSS nous semble totalement décalé. Sébastien Chenu serait ainsi prêt à voter la motion de censure de la NUPES. Et Mathilde Panot a confirmé que la réciproque est vraie. Oui, nous sommes prêts à regarder avec les différentes oppositions, mais nous aimerions en prendre l'initiative. Mais je le dis, nous réfléchissons et nous allons proposer notamment à la NUPES que même en cas d'amendement dans le PLFSS, qui serait un cas de passage en force et de violence fait au peuple absolument insupportable, nous déposerons une motion de censure. Donc sur les retraites. Que ça soit sur le budget s'il y a utilisation du 49.3, que ça soit sur les retraites sur le PLFSS ou dans un amendement retraite dans le PLFSS, nous déposerons une motion de censure. Même son de cloche au PC. Il y aura une motion de censure si il dépose de force un amendement pour faire passer la mauvaise réforme des retraites. Pourquoi ? Bah, la réponse, c'est le fond. Cette réforme, les Français n'en veulent pas. Cette réforme, c'est une retraite pour la mort, comme disait la CGT en 1910. Autrement dit, ce projet de réforme ne prend pas en compte le fait que l'espérance de vie en bonne santé des Français n'est pas la même qu'ils soient riches et en bonne santé ou qu'ils soient pauvres et misérables. Le corps, le comité d'orientation sur les retraites dit qu'il n'y a pas d'urgence. Vous le savez, les comptes sont à l'équilibre. Et même si dans les projections, les comptes à nouveau seraient en déséquilibre, il y a des leviers pour financer les retraites. Ne pas multiplier les exonérations de cotisations sociales. Agir sur l'égalité homme-femme, sur les salaires pour mieux financer les retraites. Et puis, ça a été au cœur de la loi pouvoir d'achat. Si on augmente les salaires, automatiquement, on augmente la cotisation de notre système de retraite et donc on rend notre système de retraite solide et solidaire. Cependant, à entendre l'un des porte-parole du groupe macroniste, le recours à l'article 49.3 n'est pas aussi inéluctable qu'il y paraît. Et pourquoi est-ce que vous partez du postulat qu'il y aurait un 49.3 dès le début ? Nous, on part dans une logique qui est une logique de discussion, de construction et de compromis, comme on l'a fait depuis le début. Il y a un constat qui est partagé par les groupes de la majorité, mais aussi par certains groupes d'opposition, qu'il faut faire cette réforme des retraites. Le MoDem a dit qu'il n'était pas favorable à cette possibilité. Le MoDem est un partenaire important de notre majorité, donc il faut évidemment qu'on discute sur les voies et moyens de faire parvenir, de faire advenir cette réforme des retraites. Mais aujourd'hui, ne partons pas avec des lignes rouges. Car une fois de plus, ce sont les députés LR qui peuvent faire la différence. LR est en effet favorable à une réforme des retraites. On n'a pas de problème particulier avec le critère de l'âge, puisque c'est même la contre-proposition que nous avons mis sur la table de proposer d'aller progressivement vers 64 ans. Oui, il faut faire une réforme de retraite. Oui, on peut aller vers 64 ans, mais prenons un minimum le temps de la concertation. Dans l'hypothèse du dépôt d'un amendement repoussant l'âge légal de la retraite, les Républicains ne pourraient faire autrement que de voter celui-ci. D'autant que, par le passé, ils ont déposé des amendements analogues lors des discussions budgétaires. Mais alors, ayant voté cet amendement, ils se retrouveraient contraints de voter l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ce qui ferait basculer LR dans la majorité présidentielle. C'est là que réside le piège tendu par le président de la République. Voilà pourquoi Emmanuel Macron n'exclut toujours pas de privilégier le dépôt d'un amendement, mais officiellement, il ne s'en mêle pas. C'est l'affaire du gouvernement. Moi, j'ai pris des engagements en campagne, en toute transparence. Maintenant, le gouvernement doit lancer une discussion avec les forces sociales, c'est-à-dire syndicales et patronales, avec les forces politiques, et trouver, c'est son travail, avec le Parlement, la bonne manœuvre. Ce calcul bute sur un détail. Un détail qui explique les hésitations des uns et des autres. Les Républicains sont en campagne. En décembre, ils désigneront leur nouveau chef. Trois candidats se disputent les suffrages des militants. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Pour l'emporter, les deux premiers ont absolument besoin de se démarquer de la majorité présidentielle. Pradier, lui, est contre le recul de l'âge de départ en retraite. Bruno Retailleau s'est donc empressé de rejeter l'éventuel recours au dépôt d'un amendement. Une réforme des retraites ne se fait pas quand on est le gouvernement, par un amendement tombé au dernier moment, en se passant de l'avis du Conseil d'État et de l'étude d'impact et sans aucune concertation. Ça crisperait le pays et que c'est peut-être le meilleur moyen de faire en sorte que cette réforme se bloque à un moment ou à un autre. Restons dans l'hypothèse du dépôt d'un amendement. Si le gouvernement passe outre la mise en garde de Retailleau, il est vraisemblable que des voix LR lui feront défaut, au risque pour l'exécutif d'être contraint, à l'arrivée, d'engager sa responsabilité. Une hypothèse qui n'effraie pas les durs de la majorité présidentielle. Dans le journal du dimanche, Gabriel Attal faisait remarquer que, réforme des retraites ou pas, l'adoption de la loi de finances pour 2023 passerait vraisemblablement par l'emploi du 49.3. Une façon de dire qu'il n'était pas nécessaire de prendre des gants avec les oppositions. Pour des raisons de principe, de symbole politique, elle n'envisage pas de voter le budget. Ça laisse peu de suspense sur l'issue puisque nous avons une majorité relative. Les oppositions elles-mêmes nous ont dit que le 49-3 était probable. Une position voisine de celle défendue par Olivier Véran, voici quelques jours. Qu'on le fasse honnêtement dans un texte budgétaire, dans un mois, ce qui nous laisse un mois pour débattre, discuter, concerter, ou qu'on le fasse dans trois mois dans un texte de loi ad hoc spécifique, je vous redis que ceux qui aujourd'hui vous expliquent qu'il faudrait augmenter les impôts ou la dette, ce que nous ne faisons pas et ne ferons pas, ne changeront pas d'avis. Et puis surtout, personne ne sait si le contexte social sera plus favorable en janvier prochain qu'en octobre. Le début de l'année coïncide avec la plupart des hausses de tarifs. Un projet de loi pourrait catalyser la colère d'une population dont le pouvoir d'achat s'érode jour après jour. Bref, une partie des macronistes estime que la bonne fenêtre, c'est maintenant. Et ils sont prêts à prendre le risque du dépôt d'une motion de censure. Cette motion peut-elle passer? Ce n'est pas complètement impossible. Pour qu'elle soit adoptée, il faut réunir 289 voix. En additionnant la NUPES et le RN, on est déjà à 240 voix. Il manque 49 voix. Dès lors, si une partie des Républicains, épaulée par quelques députés du groupe Liot pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, venait à voter la censure, le gouvernement pourrait être renversé. Une hypothèse qui inquiète des figures de la majorité comme Stéphane Séjourné, le secrétaire national de Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche, ou la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Fait rare, ils sont montés au créneau pour défendre le recours à un projet de loi plutôt qu'un amendement. Mais moi, je suis évidemment favorable à une discussion parlementaire. Donc vous ne seriez pas favorable à un amendement déposé comme ça, rapidement, dans le prochain budget? Je pense que le président de la République a donné un calendrier. Je pense que c'est un calendrier qui nous permet de passer d'ailleurs un texte. À mon sens, il faut prendre le temps de la concertation avec les groupes politiques et avec les partenaires sociaux. Et il faut prendre le temps du travail approfondi pour une réforme globale. Si la censure venait à l'emporter, Emmanuel Macron nommerait un nouveau Premier ministre, ce qui ne fait pas l'affaire d'Elisabeth Borne. Mais le président pourrait aller plus loin et dissoudre l'Assemblée au motif que celle-ci aurait fait la démonstration devant les Français que le débat est bloqué. On comprend mieux les inquiétudes de Yaël Braun-Pivet. Depuis 1958, début de la Ve République, l'Assemblée nationale a été dissoute 5 fois, en 62, 68, 81, 88 et 97. Les 4 premières dissolutions se sont traduites par la victoire du camp du président aux législatives qui ont suivi. En revanche, en 1997, Jacques Chirac, qui voulait se débarrasser des baladuriens, s'est retrouvé en tête-à-tête avec le socialiste Lionel Jospin. On est encore loin de ce scénario. Mais l'éventualité commence à travailler certaines têtes de la majorité. Cette partie de poker menteur trouvera certainement un premier dénouement mercredi soir. Soit Emmanuel Macron renvoie la discussion à un projet de loi en janvier et les LR se rangeront alors derrière lui. Soit il prend le risque de passer en force. S'il y parvient, il parachève la destruction des Républicains et il reprend la main sur l'Assemblée. Mais si le chef de l'État est mis en minorité à travers son Premier ministre, il n'aura d'autre solution que de renverser la table de jeu. Autrement dit, de dissoudre. Qu'a-t-il à perdre au fond? C'est son second quinquennat. Merci d'avoir regardé ce numéro du Bourbon de Serge. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Pure Politique n'existe que grâce à vos soutiens financiers. Produire des émissions et des reportages coûte cher. Pour nous aider à nous développer, c'est par là. Toute l'équipe compte sur vous. Merci d'avance. À jeudi prochain. Sinon rien. Bye. Hier, mon père a suivi le tambour. Le tambour des soldats. Alors je vais au ciel. Là, je veux donner pour son retour mon tambour. Tous les anges ont pris leur beau tambour. L'humiliation, c'était la chose qui était voulue en plus, gratuite. Et vous vous rappelez votre arrivée à Auschwitz ? Ah oui, ça oui. Ça oui. Ah oui, c'était au milieu de la nuit. Oui, il doit être, je sais pas, minuit, 1h du matin, enfin. Le train s'arrête brusquement. Très vite. Les portières s'ouvrent puisque ce sont des wagons à bestiaux. Des gens en pyjama avec rayés qui se précipitent et qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens, cet éclairage très, très dur du fait qu'il y a sur le quai ces lampes projetées vers enfin la lumière projetée vers les wagons et puis une sortie très très rapide des wagons avec ces bagnards puisqu'au fond pour nous ils sont habillés comme des bagnards et qui nous font sortir des trains, les chiens qui aboient. Et nous font mettre très... Enfin, tout ça se passe très, très vite. Je crois que c'est une question de dignité. Je crois que c'est parce que ce qu'était le camp, qui était cette volonté d'humiliation, moi, je dis toujours, cette volonté du... Tout le monde, mais c'est le sentiment qu'on a tous, je crois. C'est qu'on a eu faim, on a eu soif, on a eu froid, horriblement froid. On avait sommeil. Moi, le sommeil, ça m'apparaît être une chose... terrible parce que les derniers jours avant la libération de Bergen-Belsen, je travaillais à la cuisine, on rentrait même pas, on dormait pas de la nuit. Enfin, c'est terrible, le manque de sommeil. Moi, je dormais en marchant. Mais l'humiliation, c'était la chose qui était voulue en plus, gratuite. Donc, par exemple, au moment où on allait se mettre à manger, on pensait, l'SS donnait un coup de pied dans le bol dans lequel on était censé manger. Alors, où on mangeait pas, on ramassait ce qui était par terre. Enfin, et tout le temps. C'était une humiliation permanente. On est donc évacué à Gleiwitz. On prend ces trains qui étaient des trains complètement ouverts, des plateaux à bois, d'autres on était dans des wagons peut-être un peu plus hauts pour le charbon, mais là c'est des plateaux à bois. On était entassés, et tellement entassés que comme on se battait pour se faire un peu de place, on ne pouvait même pas s'asseoir, il y en avait qui essayaient de vous jeter par-dessus la rambarde, et pour se faire de la place simplement, pour rester. Ma sœur avait des traces de griffes qu'elle avait eues certaines des portées qu'il avait griffées dans le wagon pour essayer de la sortir dehors. Et... Il n'y avait que des femmes ou c'était mélangé? Non, on n'était pas mélangé. Les femmes. Et puis on a fait escale d'abord à Matar. On est passé. Alors ce qui est extraordinaire, on est passé Gleiwitz, c'est le sud-est. Et alors après, on est passé très rapidement. On est passé par la Tchécoslovaquie, les faubourgs de Prague. Et dans les faubourgs de Prague, comme on était dans ces wagons tout à fait ouverts, on passait pas très loin des maisons. Et les Tchèques, qui avaient dû avoir déjà plusieurs trains qui étaient passés, ils nous ont envoyé du pain, ils ont envoyé ce qu'ils pouvaient. Alors on recevait pas tout, mais enfin on recevait tout de même pas mal. Puis quand on s'arrêtait dans une gare, ils venaient apporter des seaux d'eau. Enfin, et du jour même, au moment où on passait la frontière, c'était fini. Quand je pense à Auschwitz, à Birkenau, quand je pense à tout ça, il y a une chose qui est vraiment effroyable. C'est la mort des enfants. C'est insupportable. Insupportable. De penser à ces enfants. Penser aux enfants qui ont été séparés de leur mère, qui sont arrivés comme ça, tout petits, ou dans les bras d'une éducatrice pour aller à la chambre à gaz. C'est insupportable. Insupportable. Hiera umi, la felicion havis dieci, vivo brilis kiel sun radi, hodiaŭ okazis tragedi. Ciam mi trovis helpon del cio pova di, ciu mi perdis grazon nun delli, char cun mi plu ne estas sci. Cial sci forlasis min sen antau prepar, venas al mi timoi pri ebla mia erar. Ambau ni amis reciproce cun passi, ecas nun de amo lagoni, temp de priplor cae nostalgi. Kiel povas revoi cindrigi dum moment, eble amo ne povas dauri sen turment. Shainas mi disbatita de la vent foli, accompanos min ciemosi, profunde amis hierau mi. Same facile allude poesi, comencigas gia agoni, temp de priplor cae nostalgi. Sbattita dalla vente folli, pano zmienici emocji, profunde amis hierau mi. Vous avez en permanence le truc du trou de la sécu. Nous sommes en pure propagande. En pure propagande, lorsque l'on dit que Macron a renoncé à la réforme parce qu'il ne fait pas la retraite à points, pas du tout. Il n'a pas renoncé à la réforme du tout, puisqu'il supprime des régimes spéciaux, qui sont précisément ces régimes de droit au salaire continué qui ont servi de modèle en 1946 pour l'étendre à l'ensemble du privé. Il faut aussi savoir décider en politique. Et quand on a une conviction, la mienne, elle est forte, elle est faite depuis très longtemps, qu'une réforme des retraites est nécessaire pour garantir la prospérité du pays, à un moment donné, une fois que la phase de dialogue indispensable est passée, il faut décider. Est-ce que vous pensez que cette réforme est nécessaire quand on écoute notre ministre de l'économie ? Ah, elle est nécessaire pour la classe dirigeante, bien sûr. Notre système de retraite, sur les 340 milliards de pensions qui sont distribuées, vous en avez 250 qui relèvent de la même logique, hein, qui a été impulsée en 1946 à l'initiative des ministres communistes, hein, en particulier Ambroise Croizat, et qui fait de la retraite la continuation d'un salaire de référence. Ce n'est pas du tout la contrepartie de cotisation passée, la retraite absolument pas. Hein. Cette logique-là est une logique clairement opposée à la logique capitaliste, parce que elle pose les retraités non pas comme d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation, ce qui est le cas dans une logique capitaliste, mais elle les pose comme des travailleurs dont le salaire n'est plus lié à leur emploi, hein, mais lié à leur personne. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, enfin, les retraités conservent leur salaire, tout comme les fonctionnaires ont conservé leur salaire, parce que le salaire est un attribut de la personne. Et ça, la classe dirigeante ne le supporte pas. Parce qu'elle a besoin que nous soyons en permanence dans la dette, dans la recherche d'un emploi pour avoir droit au salaire. Et donc, ce droit au salaire lié à la personne, c'est un enjeu anthropologique, c'est un enjeu politique majeur. Et lorsque l'on dit que Macron a renoncé à la réforme parce qu'il ne fait pas la retraite à points, pas du tout. Il n'a pas renoncé à la réforme du tout, puisqu'il supprime les régimes spéciaux, qui sont précisément ces régimes de droit au salaire continué qui ont servi de modèle en 1946 pour l'étendre à l'ensemble du privé. Et donc, dès 1947, donc le patronat riposte par le « j'ai cotisé, j'ai droit ». Au cours des 30 années de la réforme, depuis la première mesure qui est prise par Seguin quand il indexe les pensions du régime général sur les prix et non plus sur les salaires, en 87, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à la bataille de 2019, vous avez une forme d'adhésion progressive des opposants à la réforme à l'idée du « j'ai cotisé, j'ai droit » qui est la réponse patronale en 47 aux initiatives du « j'ai droit au salaire lié à ma personne ». Je voulais dire deux choses, de manière objective, je crois. La première, c'est que toutes les études montrent que nous avons un problème de financement de nos retraites. Et donc, il faut agir sur ce terrain-là. Et on connaît depuis longtemps les différents leviers. C'est la hausse des cotisations, c'est la baisse des pensions, ou c'est une action sur l'âge, à travers diverses modalités. Et en effet, je pense que là, je me suis peut-être un peu avancé, mais c'est le président de la Cour des comptes qui parlait. Il a un peu plus de liberté que le président du Haut Conseil. Je pense en effet que c'est plus social qu'antisocial. Non, mais le déficit, c'est un mensonge permanent. Depuis que le régime général de sécurité sociale existe, encore une fois, le régime général de sécurité sociale, il change le statut de la personne en attribuant du salaire à des gens qui n'ont pas d'emploi. Et ça commence avec les allocations familiales qui en 1946 sont du salaire pour des parents, la retraite qui devient du salaire pour des retraités, le statut de la fonction publique qui est le modèle de ce dispositif, les salariés à statut des entreprises publiques, etc. Toute cette conquête-là énorme a été, mais immédiatement, contesté au nom du déficit dès le débat parlementaire de 49, etc., etc. Et le bouquin de Da Silva, montrez-le parce que c'est un bouquin fondamental. Effectivement, la bataille de la Sécu pour une histoire du système de soins, de santé. Le bouquin de Da Silva montre éloquemment que quand on fait les comptes de la protection sociale, mais ils sont excédentaires jusque dans les années 2000. Et pourtant, vous avez en permanence le truc du trou de la sécu. Nous sommes en pure propagande, en pure propagande, et il faut arrêter d'attribuer la moindre foi à ce qui se raconte, y compris à ce que le corps raconte, parce que le corps dit des tas de bêtises aussi, il faut bien le dire, le corps, conseil d'orientation des retraites. On est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps, trouver une place pour du dialogue et de Elisabeth la concertation. Borne, vous avez reçu un par un chacun des présidents de groupe, de l'opposition, de la majorité. Vous avez longuement déjeuné avec Emmanuel Macron vendredi pour vous mettre d'accord, et vous nous dites ce matin que vous savez toujours pas ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu qu'on a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec naturellement les ministres concernés et les responsables de la majorité. Je peux vous rassurer, la décision avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine. Ça, je n'ai pas d'opinion sur les procédures parlementaires qu'il veut utiliser, mais qu'il veuille éliminer le débat à coup sûr, c'est pas la première fois. Hein. Et quand il fait des débats, on sait ce que c'est. Hein. Le grand débat, c'est d'immenses monologues. Donc c'est totalement sans intérêt de toute façon. On doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans, mais à un horizon qui n'est pas demain, hein, qui est au milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Ce qui veut dire qu'on faisait d'ici à la fin du quinquennat un peu moins de 2 ans. Donc, quel est le cœur de la philosophie ? Nous devons travailler plus et plus longtemps. De toute façon, 40% des personnes de plus de 62 ans ne sont pas en emploi, hein, et que obligés à reculer, l'âge d'entrée en retraite, ça n'est pas augmenter la durée du travail, absolument pas. Où on les mettrait, ces gens qui sont actuellement au chômage, dans la logique capitaliste, hein, qui génère le chômage, au contraire. Non, il s'agit de faire l'inverse de ce qui s'est passé au début des années 80, hein, quand on constate que de toute façon c'est des chômeurs, ben transformons-les en retraités, d'accord, et ben on fait l'inverse, hein, et on crée ainsi une précarité chez les 62-65 ans qui ne sont de toute façon plus en emploi stable pour 40% d'entre eux, et qui vont être une force de travail totalement malléable pour l'ubérisation, enfin pour toutes ces formes d'emploi, ce paiement à la tâche que le capitalisme impose aux jeunes, hein, dans cette période funeste de l'insertion où entre 18 et 35 ans on s'insère, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas au statut de salarié normal. Et là, il s'agit de faire la même chose. Entre 62 et 65 ans, on aura des gens qui ne seront plus dans l'insertion, mais ils sont dans la même logique de refus du statut de salarié. Une phrase assez inattendue venant du chef du Parti communiste, Fabien Roussel, devant des journalistes hier, mais qui a réitéré ses propos ce matin devant notre caméra. Fabien Roussel, dit-il, ne veut plus d'une gauche des allocations et des minima sociaux, et il défend, je cite, la valeur travail. Le travail, en tant que tel, n'a pas de valeur anthropologique, sinon vive l'esclavage. Ce qui a valeur anthropologique, c'est la souveraineté sur le travail. C'est que nous décidions sur ce qui a valeur. Le travail, c'est la partie de l'activité qui est réputée avoir valeur, produire de la valeur économique. C'est à nous de décider. Et pour que nous puissions décider, pour que le travail ait vraiment une valeur anthropologique, parce que c'est nous qui en décidons, il faut que nous soyons titulaires de notre salaire. Or, les allocations de chômage, c'est le début d'une déliaison entre le salaire et l'emploi. On pose comme ayant droit au salaire des gens qui n'ont pas d'emploi.

de responsabilité. Ce témoin que vous allez entendre, nous sommes en contact avec lui depuis des mois. Si nous n'avons jusqu'à présent pas rendu publiques les informations et révélations qu'il détient, c'est aussi parce que nous privilégions la confiance et la sécurité de chacun. À commencer par ceux qui prennent des risques pour témoigner ou nous apporter des informations. L'année dernière, quand il nous a contactés, cet homme qui accepte aujourd'hui de parler face caméra, nous a expliqué qu'il voulait révéler au monde des informations majeures. Mais il avait une autre préoccupation, l'obsession que ça ne fasse pas pchit, que ça ne se résume pas à un article, un sujet qui sort, fait un peu de bruit, avant qu'on ne l'oublie et puis qu'on passe à autre chose. Cette préoccupation répondait à deux constats. Le sujet est trop important d'une part, trop grave. Ce qui est en jeu ici est majeur. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons continué à échanger régulièrement. Notre témoin est passé par des hauts et des bas. Constatant une impasse, il a voulu tout oublier de cette histoire. Aujourd'hui, il parle. Cet homme que vous allez entendre est un fonctionnaire international. Il s'appelle Abdullah Zouer. Il est juriste. Il a travaillé pendant une double décennie à l'OIT, pour l'Organisation internationale du travail, chargée de défendre la cause et les intérêts des travailleurs dans le monde entier. Je vous invite à l'écouter et entendre attentivement ce qu'il a à dire. Son témoignage exclusif est exceptionnel et les implications sont majeures. Il a décidé de faire éclater la vérité. Je m'appelle Abdullah Zouer. J'ai fait mes études universitaires à l'Université de droit Paris 2 avec l'accent mis sur le droit international et les droits de l'homme. J'ai fait aussi l'Institut des hautes études internationales de Paris 2 et après l'obtention de mes diplômes de l'université, j'ai travaillé directement au BIT, Bureau international du travail, qui est le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, donc qui fait partie de l'ONU. Pour résumer, j'ai travaillé tout particulièrement au départ comme conseiller régional pour les pays arabes. Et j'étais aussi l'auteur principal dans la rédaction du code du travail, du code de la législation du travail de Qatar, et j'étais aussi l'acteur principal dans les commentaires du BIT par rapport à ce code du travail. En 2014, avant 2014 et après, il y avait un gros scandale au niveau international. La presse en parlait beaucoup, il y avait surtout le Guardian et d'autres médias ont parlé de ces des centaines de morts dans le cadre de la construction des stades pour le mondial de football de 2022. Il y avait beaucoup de morts des travailleurs migrants qui venaient des endroits, des patelins pauvres, très pauvres, qui venaient travailler avec un salaire très dérisoire qui ne dépasse pas 200-300 dollars par mois comme salaire. Et donc, il y avait beaucoup de morts, que des gens qui venaient travailler pour aider leur famille. Finalement, ils retournent leur famille dans des cercueils. Ça fait un scandale. Et puis aussi, il y avait une plainte en juin 2014 qui est déposé en juin 2014 à la Conférence internationale du travail par un certain nombre d'organisations syndicales. Donc, cette plainte, en fonction de conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT, elle demandait la constitution d'une commission d'enquête au sein du conseil d'administration pendant plusieurs sessions. Ici, c'est très délicat, vous voyez, parce que c'est un Qatar, c'est un pays très riche au niveau international, un pays aussi qui défend son image au niveau international, et tout ça, et tout particulièrement, cette plainte s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de 2022. Dans ce cadre-là, j'étais invité en 2014, par Qatar. par le ministre du Travail de Qatar. Mais c'est vrai, on m'a demandé que cette visite soit personnelle et secrète. Mon objectif, c'était de faire avancer les choses. Et donc, pour faire avancer les choses et avoir un impact, qu'est-ce que j'ai informé le BIT de cette visite. J'ai parlé donc avec la directrice du département des normes, Madame Doumbia Henry Cléopâtre. Je lui ai dit, écoutez, Qatar m'a demandé une visite privée, voilà, dans le cadre de cette plainte, pour les comment. Donc moi, je pense, il faut qu'on les aide, il faut qu'on fasse une sorte pour aboutir à une solution, pour faire avancer les choses, pour sortir de cette impasse qui est dans les discussions du conseil d'administration. Donc j'ai parlé aussi, il est d'accord, il m'a dit je suis d'accord, même si bon, il n'était pas très optimiste. J'ai discuté aussi avec une personne un peu clé de la problématique, c'est l'ACTRAV, Activité Travailleurs, c'est-à-dire les syndicats, l'aile travailleur de l'organisation. Donc j'ai parlé avec la conseillère juridique, Madame Béatrice. Donc je suis parti à Qatar, je crois en septembre 2014, et j'ai discuté avec le ministre en lui disant, voilà, moi je suis pas venu discrètement, comme c'était souhaité, j'ai informé le BIT pour la transparence premièrement, et deuxième chose pour que cette mission soit couronnée de succès, pour qu'on puisse trouver des solutions. On a discuté, j'ai discuté une fois, deux fois dans des réunions avec le ministre et ses collaborateurs. Mais ce que j'ai compris, il voulait plutôt trouver une solution de sortie, une porte de sortie sans l'abolition du système kafala. Le système kafala, sponsor, c'est un système qui permet aux nationaux du pays qatari de faire venir des travailleurs dans le pays et ils sont responsables de ces travailleurs migrants. Donc, en général, ils leur enlèvent le passeport et puis ils peuvent rien faire, ni changer d'employeur, ni voyager, ni ils sont soumis au bon vouloir de ces kafils, de ces personnes qui portent ce titre de kafala. Moi, j'avais dit au ministre, écoutez, il n'y a pas d'autre issue que d'abolir le système kafala, sinon il n'y a pas d'autre solution. Mais lui, il insiste, est-ce qu'on peut trouver une solution? Par exemple, de faire une exception. Moi, j'avais refusé l'exception. Je dis, si on fait l'abolition du système kafala avec une exception, qui va contrôler? On peut pas, c'est pas possible. Premièrement, parce que je lui ai expliqué, le système kafala est considéré dans sa pratique, considéré par la commission d'experts qui est chargée du contrôle de l'application des conventions dans les pays et qui fait des rapports à la conférence. Donc cette commission, qui est composée de 20 membres, professeur, avocat ou juge de renommée internationale et indépendant. Cette commission a dit dans son rapport de 2012, il dit que l'abolition du travail forcé est une norme impérative qui relève du droit international et qui n'admet en aucun cas aucune exception. Le BIT, en tant qu'organe même de l'OIT, il ne peut pas modifier ce qu'a décidé la commission d'experts. Parce que le BIT, c'est un secrétariat. Il exécute, il applique ce que il est le secrétariat de l'organisation, de la commission d'experts. Donc, il ne peut pas, il ne peut rien faire du point de vue juridique. Donc, cette visite, elle a été soldée par un échec, parce que j'avais refusé justement cette exception à la règle. Pendant mon séjour au Qatar, j'étais à l'hôtel. J'étais dans un hôtel et derrière moi, il y avait quelqu'un qui parlait et c'était quelqu'un d'une organisation syndicale qui fait partie de la Confédération syndicale internationale. Il ne m'a pas vu, il ne me connaît pas peut-être. Il parlait en arabe derrière moi avec une délégation du ministère du Qatar. Il leur a dit en arabe, voilà, je suis venu pour vous rendre service. C'est pour aider Qatar à sortir de cette difficulté et de donc lui rendre service et l'aider. Moi, ce que je vous demande tout simplement, c'est de me conduire vers le chantier que vous voulez, que vous choisissez. Et moi, je vous promets, je vais faire un rapport en votre faveur. Personne qui est venu et qui représente la Confédération internationale syndicale, c'est-à-dire qui regroupe toutes les organisations syndicales du monde, avec je ne sais pas combien de milliers d'adhérents dans le monde. Donc, et parce que après, il y a un rôle important qu'ils vont jouer après. Donc, au début, Qatar a fermé la porte à ces organisations syndicales. Alors, à mon retour donc à Genève, ce qui s'est passé après, parce que la directrice du département de normes qui travaillait donc sur les normes pendant des années, qui a une grande crédibilité, qui est très indépendante, qui est très intègre et donc qui n'accepte jamais aucune exception aux normes de l'OIT. Alors, on n'a pas renouvelé son contrat et c'est une personne, une nouvelle directrice qui était parachutée dans le département des normes. Donc, il n'a pas renouvelé le contrat. Et moi, j'étais exclu de cette question de plainte de Qatar. Et aussi, il y a une personne qui s'occupait du dossier du travail forcé, parce qu'il s'agit là de l'abolition du travail forcé, qui est mademoiselle Rosinda, l'une, et il s'occupait qu'il y a une grande expertise dans ce domaine de longues années, de plus de 10 ans. Donc, il est la spécialiste, il est la responsable de cette convention, le travail forcé. Alors, on l'a exclu. Pourquoi? Pour avoir les mains libres, justement, dans le dossier de Qatar. Pour avoir les mains libres. Donc, l'expert régional est exclu. La directrice qui est de je sais pas, plus de 20 ans dans l'organisation, elle n'a pas renouvelé son contrat. On a fait venir une nouvelle directrice. Et c'est là, avec cette directrice, que le rapport du programme a été conclu entre Qatar, a été préparé et conclu avec Qatar. Lorsque Qatar a accepté qu'il y ait un programme de coopération entre le BIT et Qatar de 25 millions de dollars, on a classé la plainte. On l'a classée carrément une fois pour toutes. Et puis, l'objectif, c'était de dire, voilà, un programme de développement de coopération entre le BIT et Qatar pour trouver donc la solution, c'est d'appliquer, premièrement, abolir le système kafala. Et aussi, dans le programme, il y a cette fixation du salaire minimum. Et c'est pour ça qu'on va trouver, dans l'exécution de ce programme, des violations d'une gravité rarissime. Donc, ces 25 millions de dollars, je dis, c'est scandaleux. Pourquoi? C'est la première fois dans l'histoire, aussi dans l'histoire de l'organisation, qu'on trouve un programme de ce montant incroyable de 25 millions pour un projet, pour des questions soulevées dans la plainte et dans le programme, qu'on peut réaliser avec un impact, avec des résultats, et je peux dire, assurer, engager ma responsabilité, pas 50 000 dollars. Mais 25 millions, c'est quoi? 25 millions, c'est quoi? C'est grave, parce que si, malheureusement, si, pour faire des études, pour faire des missions, des voyages, des hôtels. 25 millions de quoi? À quoi ça servit pour les travailleurs migrants? Zéro. Non seulement c'est pas normal, mais c'est scandaleux et c'est grave. C'est grave. Il suffit tout simplement de rédiger pour le gouvernement un texte, de dire voilà, texte de loi, et ça demande une journée de travail et voilà. Des études, c'est pour les potes, des ceux qui servent à rien. qui ne servent pas à aider à la situation des travailleurs migrants. C'est du mensonge, c'est de l'abus, c'est de la manipulation. Et je suis l'expert et je sais ce que je dis. La directrice du département des normes, qui est la responsable principale et première du dossier, il a gardé le monopole de ce dossier. Contrairement à la politique de l'organisation, obligatoirement, pas seulement il faut, il obligatoirement, dans ce dossier de plainte, dans ce dossier de programme, il faut qu'il y ait implication d'ACTRA, la moindre des choses, activité travailleur, parce que ça concerne les travailleurs. Donc, obligatoirement, il faut, vous pouvez pas, c'est leur droit de, d'être associé. Mais ce qui s'est passé, on a exclu ACTRA. On a exclu tous les départements que c'est de jamais vu. Et de jamais vu, d'autant plus que le directeur général, qui est responsable au moment de ce programme, quand il est arrivé en 2012, sa première politique, c'est de inciter, même de rendre obligé, chaque action, chaque programme, il faut l'implication de tous les départements, obligatoirement. Personne ne savait que c'était un programme de 25 millions de dollars. Personne. C'est top secret. Personne ne savait c'est quoi ce programme, personne. Et moi, j'avais écrit au directeur général adjoint, figurez-vous. Le directeur général adjoint, c'est lui le premier responsable de tout ce qui est programme dans les pays. Le premier responsable. Il n'est pas au courant. J'ai communiqué avec lui et je crois que par email même, et je crois que j'ai un écrit de lui, il m'a dit il n'est même pas au courant de ce qui se passe pour ce programme. Même lui, il était exclu. La délégation du ministère de Qatar a demandé au BIT de nommer monsieur tel comme directeur du bureau du programme au Qatar. Parce que lui, la clé du programme. La personne qui a été nommée, il n'a pas l'expertise nécessaire. Pourquoi? Parce que pour être directeur de ce programme, comme il s'agit des normes internationales du travail pour l'abolition du système kafala, il s'agit aussi des normes internationales du travail pour la fixation du salaire, il faut avoir cette expertise du département des normes. Or, lui, il n'a jamais travaillé dans le département des normes. Moi, je parle d'une violation grave et rarissime de la constitution de l'OIT et des droits de l'homme et des normes internationales du travail. C'est une violation flagrante, indiscutable, indéniable de la part du BIT. Donc, comme je disais, le fait d'exclure les experts et les personnes intègres, incorruptibles. Donc, on exclut d'abord la directrice. Bon, la directrice, il faut le dire entre parenthèses, elle est nommée, c'est une dame de renommée internationale, elle est nommée présidente de l'université, en Suède, je ne sais pas quelle université, n'est pas. Donc, on neutralise pour faire ce que l'on veut dans le programme, vous voyez. Et donc, le tenir confidentiel, la manipuler la FIFA sur la déclaration du président de la FIFA au Qatar sur, lorsqu'il a dit bravo le pays, bravo Qatar. Il a manipulé aussi la commission d'experts. Et je m'explique. D'abord, comme je le disais, la commission d'experts, dans son étude d'ensemble, a qualifié l'abolition du travail forcé comme norme impérative sur lequel on ne peut pas admettre une exception. Or, le BIT, dans le programme, il a accepté une exception à l'abolition du travail forcé. La commission d'experts dit que c'est interdit, pas d'exception. Et le BIT n'a pas le droit, parce que, je le répète, il n'a pas le droit parce qu'elle, elle est la secrétariat. Il applique. Donc, c'est là l'explication pourquoi on a exclu une experte de renommée de la Convention 29 ou au moment où on a besoin d'elle. C'est aussi pour pouvoir manipuler la commission d'experts. Ces travailleurs migrants, ils sont qui pour vous? Ils sont qui ces gens-là? Ce sont des gens, des hommes et des femmes de second plan parce qu'ils viennent du monde rural, parce qu'ils sont pauvres, donc ils ne méritent pas plus de 200 dollars par mois. Vous touchez combien? Vous acceptez-vous de travailler 12 heures par jour dans des conditions difficiles et toucher 200 dollars, vous êtes satisfait? Vous êtes content de ce salaire minimum? Qui sont ces gens-là pour vous? Vous êtes des êtres humains? Non, ils ne le sont pas. Ils dorment dans des dortoirs, ils n'ont pas le droit d'un studio. Vous parlez, il faut qu'un dortoir avec combien de mètres? Ils n'ont pas le droit d'un studio. Pourquoi vous dormez pas dans des dortoirs? Parce qu'ils viennent du monde rural? Parce qu'ils sont pauvres? C'est qui ces gens-là? Je parle aux ONG. Comment vous pouvez dire, vous féliciter d'un salaire minimum pour de 200 dollars? Parce qu'ils sont pauvres? Parce qu'ils sont du monde rural? Moi, je parle pas du BIT. Du BIT, c'est scandaleux. Il a perdu sa crédibilité. Tous les fonctionnaires sont scandalisés. Ils sont frustrés. Mais c'est fait au nom du BIT. BIT est discrédité. C'est fini. Il a violé la Constitution, il a violé le droit de l'homme, et puis le monde le croit, parce que c'est la Bible, c'est le Coran. Personne ne peut s'en douter. Mais moi, je pose la question surtout à des personnes humaines. À Madame Sharan Borrow. Madame Sharan Borrow, pour vous, c'est qui ces gens-là? Ils méritent pas un salaire décent? 200 dollars, c'est un salaire décent, 200 dollars? Pour un travail corvée de 12 heures et parfois plus, vous êtes satisfaite? Oui, vous avez le droit d'une villa. Vous avez le droit, je sais pas, des avions de première classe. Ces gens-là, non, sont des pauvres du monde rural. Ils ne le méritent pas. Ils ne méritent même pas d'être un studio seul ou avec sa famille. Non, il n'a que le droit de travailler du matin jusqu'au soir. Dans des conditions de misère et dans des conditions difficiles, avec un salaire de 200 dollars et vous êtes satisfaite. Vous êtes qui par rapport à ces gens-là? Vous êtes une déesse par rapport à ces gens-là qui sont pauvres? Vous défendez les droits de l'homme? Je suis scandalisé. Parce que moi aussi, je suis du milieu rural. Et je sais ce que c'est. Ces gens-là sont de leur dignité. Ce sont des gens grands qui ont un grand cœur. Ce sont des gens de grande humanité. Mais vous, non. En acceptant que ces gens-là soient payés 200 dollars par mois, vous l'acceptez, vous faites l'éloge de Qatar parce qu'il y a une fixation de salaire. C'est scandaleux. Le BIT a légitimé une pratique illégal qui est appliqué par Qatar, qui consiste à définir le salaire par rapport au pays d'origine, pour un Népalais, par rapport au pouvoir d'achat du Népal, d'un travailleur de l'Inde par rapport à l'Inde. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat en Inde et le pouvoir d'achat en Qatar est 1000 fois plus important que le pouvoir d'achat au Népal. Mon père, c'est un grand humaniste, est un grand homme généreux, et il défend toujours la justice. Il a une fois libéré un esclave. Il est entré dans une plantation la nuit. Et il a, je sais pas comment il a fait, c'est de bruit, il a cassé, donc il a ouvert la chaîne, il l'a libéré, il est monté dans les montagnes, il s'est sauvé pendant plusieurs jours pour d'abord assurer la sécurité de cet esclave. Et donc lui, a disparu quelque temps avant de revenir. Et puis, avant son décès, moi j'étais à l'université de Paris, je fais mes études, il m'a dit, parce qu'elle était malade, il m'a dit, mon fils, c'est la première fois qu'il me raconte cette histoire. Il m'a dit, voilà cette chaîne, voilà ce qui s'est passé. Je te la confie, c'est mon testament. Et je te demande une chose, défends les gens vulnérables, défends la justice quand tu peux. Et donc, moi, je considère que les travailleurs migrants que j'ai côtoyés, avec qui j'ai discuté pendant ma carrière et avec qui j'ai mangé avec, j'ai cette responsabilité de dénoncer l'injustice, cette responsabilité morale de défendre autant que je peux le faire. Je suis d'origine, j'ai grandi dans le monde rural. J'ai vécu la pauvreté. Je sais ce que c'est. Et aussi, Et donc, ces gens-là viennent du monde rural, je les vois. Je vois ces gens-là du monde rural qui reçoivent leurs enfants dans des cercueils. Et je vois leur souffrance. C'est comme c'est moi qui souffrais, c'est mon village qui souffrait. Parce que mon village, je vais vous dire une chose. Mon village, il y a beaucoup de monde qui avait quitté le village dans les années 60-70 en France, en Belgique, en Hollande. Mais simplement avec une différence de ces travailleurs, de ces gens qui vont dans le monde rural, au Qatar, ces gens-là qui venaient en France de chez moi, ils retournaient dans mon village. Ils sont retournés, ils ont construit des maisons, ils ont acheté ils ont acheté des voitures. Ils ont aussi acheté des choses, ils ont aidé leurs voisins, leur village. Ils les ont sortis de la misère. La France est... grâce donc à ce travail en France, en Belgique, en Hollande, tout particulièrement, mais d'autres pays. Vous voyez, donc je vois la différence. Et je vois dans des commentaires des gens qui vont de même nature, de même que chez moi, dans mon village, de même type, ils vont au Qatar, mais Qatar avec pétrodollars, avec des millions plus riches que la France, par rapport donc pétrodollars, les gens venaient, ils retournent dans des cercueils. Et j'ai vu des mamans qui pleuraient, et je pleurais avec elles. Je vous assure, je pleurais avec elle. Je dis, qu'est-ce que je suis moi? Si je suis dans un monde diplomatique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ces gens-là? Rien, finalement. Donc, c'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. C'est nous, on part dans des missions, dans des grands hôtels, et les pauvres restent toujours pauvres. Et puis, on parle dans des forums, dans des grands discours, tout simplement vides de sens et vides de résultats. Et voilà pourquoi, pour quelles raisons, il est de mon devoir de faire quelque chose, au moins de parler. Et je prends le risque. Je prends le risque de ma sûreté, de ma vie. Je pris ce risque et je le sais. Mais pour défendre ces gens-là, le risque, ils méritent ce risque. Je respecte beaucoup ce testament de mon père de défendre les vulnérables, personnes vulnérables et les pauvres, parce que cette chaîne, je voulais la confier comme cadeau au BIT à son centenaire. J'avais toujours l'intention depuis que j'ai au BIT, j'ai cette chaîne, elle date d'un siècle, c'est très, elle a beaucoup de valeur, je vais la donner donc parce qu'il lutte contre pour l'abolition du travail forcé, contre l'esclavage, c'est l'ordre. Mais j'ai écrit au directeur général ce qui s'est passé dans le programme de Qatar, cette plainte avec le BIT, et ces violations, ces manipulations que le BIT a fait. Je lui ai dit, je voulais que cette chaîne, là, vous la confiez pour le centenaire de l'OIT, mais puisqu'il y a ces violations flagrantes, il ne le mérite plus et je ne peux pas vous la confier. En 2021, Blast a publié une grande enquête en plusieurs épisodes, la Qatar Connexion. Une série sous les dessous de l'entreprise d'influence et de corruption orchestrée par le Qatar pour asseoir sa place sur la scène internationale. Archives gouvernementales à l'appui, nous avons documenté la façon dont le Royaume du Golfe s'est assuré le soutien de gouvernants et de personnalités étrangères de premier plan, notamment en France, mais aussi en Suisse, en Asie, ou en Israël, pour soutenir ses intérêts et son offensive. Cette saga, signée par les journalistes d'investigation Bernard Nicolas et Thierry Gadeau, a mobilisé le service enquête de Blast pendant des mois. Entre avril et novembre 2021, nous avons publié une vingtaine d'articles, documents à l'appui. Plusieurs épisodes concernent le sport et directement le football, et les moyens utilisés par le pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde pour ravir la compétition reine du sport roi. Ces révélations, qui concernent les responsables de l'État qatari au plus haut niveau, n'ont jamais été démenties par le Qatar. Abdullah Zouer, l'homme que vous venez d'entendre, a pris contact avec nous l'année dernière après avoir lu plusieurs articles de notre série sur l'argent noir du Qatar et vu les documents que nous avons publiés. Il n'était pas surpris de ce qu'il avait lu dans Blast. Nos révélations et nos documents confirmaient ce qu'il connaissait. À l'OIT, au cœur de la machine, il a pu observer la façon dont le silence de l'Organisation internationale du travail a été acheté pour enterrer et neutraliser les enquêtes sur les conditions de travail sur les chantiers de la Coupe du Monde. Il est cette semaine à Genève. Il va s'adresser à la presse mondiale et aux délégations qui ont fait le déplacement en Suisse en interpellant les responsables de l'OIT au cours d'une conférence spécialement organisée à cette occasion. Blast est très heureux de vous avoir fait écouter en exclusivité son témoignage. L'histoire de la Coupe du Monde de football 2022, qui s'ouvre en novembre prochain, reste encore largement à écrire et révéler. Elle n'a pas fini de dévoiler ses secrets inavouables. À Blast, nous allons continuer à travailler pour l'éclairer. Vous pouvez compter sur nous. Ah oui, ça va avec. N'oubliez pas, votre soutien nous est indispensable pour que nous puissions faire ce travail. Continuer à informer, enquêter et sortir des révélations sur le monde tel qu'il est. Merci d'être là à nos côtés et de nous soutenir. Vous pouvez le faire en vous abonnant sur notre site blast-info.fr. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Pour cette réforme, si les oppositions renversent le gouvernement, Emmanuel Macron menace d'une dissolution. Vous la craignez cette menace ou vous dites c'est une opportunité comme Jean-Luc Mélenchon ou chiche comme Marine Le Pen? En tout cas, moi, je viens dire que le pays a besoin de sagesse et pas d'avoir une espèce d'agité de l'ego. On a besoin d'une France apaisée. Dans quel temps se prend cette décision de faire une réforme contre aujourd'hui 70 à 80% des Français? Dans un moment où on a une France qui est exaspérée par deux années de crise Covid, où on a un président de la République qui a été réélu sans élan et sans enthousiasme, où vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui est très, très relative et obtenue ras du cul, où dans des coins comme le mien, dans la Somme, ils n'arrivent même pas à qualifier la moitié de leurs députés pour le deuxième tour. Donc c'est sur une base sociale extrêmement fragile qu'Emmanuel Macron prétend passer en force pour faire ça. Quand vous dites agiter de l'ego, c'est qu'il en fait une question personnelle? Évidemment, là c'est évident. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème à aller de nouveau en campagne. J'aime ça, être en campagne. Et vous pensez que vous pourriez gagner? J'en sais rien. Je vous dis, en revanche, le mandat qui est en jeu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le mandat des députés. c'est le mandat du président de la République. C'est sa réforme qui veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il, s'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, eh ben, il respecte l'avis du peuple français. Et si c'est non à sa réforme de retraite, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu. Ce ne sont pas les députés. Est-ce que vous aimeriez voir l'Assemblée nationale dissoute ? La question n'est pas là. C'est le choix. Ça sera le choix d'Emmanuel Macron. Je le dis en revanche, ce que je viens de dire. Aujourd'hui, le pays a besoin d'apaisement. Il a besoin de sérénité. Et ce n'est pas ce qu'apporte Emmanuel Macron. Dans la durée, on a un détachement de la démocratie chez les gens. Comment vous allez faire comprendre, à nouveau, après le traité constitutionnel européen de 2005, après la crise des Gilets jaunes, où les voix des gens n'ont pas été entendues, que là, il y a 70 à 80% des Français qui sont contre cette réforme des retraites et qu'il va y avoir un passage en force. Quand on se comporte comme ça, quand on fait des réformes contre le peuple, sans le peuple, à la fin, on produit une usure de la démocratie. Et moi, je le dis, dans la durée, je suis très inquiet pour mon pays. Je suis très inquiet pour l'unité de mon pays s'il continue à le malmener et à le maltraiter comme ça. Un référendum, ça serait pas aussi une forme de passage en force aussi, avec une question extrêmement simple, sans concertation? Enfin, c'est... Non, mais qu'on voit, s'il veut rallonger de 2 ans la durée des retraites, vous savez, le premier opposant à sa réforme, c'est presque Emmanuel Macron lui-même. Vous savez ce qu'il déclarait en 2019? Il déclarait, quand on est peu qualifié, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Et on va expliquer aux gens, mes bons amis, travailler pour plus longtemps, ça serait hypocrite. C'est Emmanuel Macron lui-même qui disait, c'est pas possible de dire aux gens, notamment qui sont peu qualifiés, vous allez devoir travailler 2 années de plus. Et ça correspond à la réalité, puisque aujourd'hui, je disais, moi, un Français sur deux ne travaille plus à 60 ans. J'ai le droit à un fact-checking, vous savez, moi je passe aux toilettes, j'ai le droit à un fact-checking. Donc, d'après l'INSEE, c'est en fait un Français sur trois qui aujourd'hui travaille à 60 ans. 2 Français sur 3 qui ne travaillent pas. 38% qui travaillent, 62% qui ne travaillent pas. Et donc, on va venir dire aux gens qui, déjà à 60 ans, ne sont plus en emploi, vous ferez rallonger 2 années supplémentaires. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit le retour de la pauvreté dans les classes populaires, chez les seniors. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 10 ans, le taux de RSA, de seniors au RSA, a fait plus 152%. Plus 152%, ça veut dire que ça a plus que doublé. Ça veut dire qu'on a 2 fois plus de seniors pauvres aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que je le vois dans mon coin, moi. Quand on est agent d'entretien, qu'on a 58 ans, eh ben déjà, on s'est fait opérer des poignets, on s'est fait opérer du coude, on s'est fait opérer des épaules, on a mal au dos et on se demande comment on va tenir plus longtemps. Et donc, c'est impossible de dire aux gens qui, déjà à 58 ans, sont mal, se traînent, qu'ils vont poursuivre comme ça jusqu'à 62-64 ans. Vous parlez de passage en force. Pourtant, le gouvernement a annoncé des négociations qui vont s'ouvrir avec les organisations syndicales, avec les groupes parlementaires, les oppositions. Vous refusez, vous, la France insoumise, de participer à ces négociations? Pourquoi ? Écoutez, on est habitué, M. Macron a fait la Convention citoyenne sur le climat, on ne peut pas dire qu'il en ait retenu grand-chose. Il a fait, post-Gilets jaunes, le blabla du grand débat, on ne peut pas dire qu'il en soit sorti grand-chose. Donc c'est une habitude chez M. Macron de mettre de la mousse autour de décisions qu'il a déjà prises. Je le redis, ça doit être tranché par les gens. C'est le peuple qui doit décider. Pourquoi pas ? Mais quand on, vous savez, il faut une réforme juste. Et là, on sait qu'elle ne le sera pas. On sait d'avance qu'elle ne le sera pas. C'est le même Emmanuel Macron qui, déjà en 2017, a éliminé 4 critères de pénibilité. Auparavant, quand on avait des vibrations mécaniques, marteau-piqueur, eh ben, c'était considéré comme de la pénibilité. Emmanuel Macron élimine ça. Quand on inhalait des produits chimiques dangereux, c'était considéré comme de la pénibilité. Emmanuel Macron élimine ça. Le même Emmanuel Macron qui nous dit qu'il ne faut pas parler de pénibilité au travail. Bah si, je considère, on va y venir, j'espère, que le travail est un motif de fierté, il peut être un motif d'émancipation, de réalisation de soi, mais il est aussi, dans bien des cas, quand on n'est pas banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, une source de peine, d'usure du corps, qui doit être prise en compte. Et là, on sait d'avance que ce gouvernement-là ne le prendra pas en compte. Un point précis, par exemple, la retraite à 1100 euros, c'est l'objectif du gouvernement. Si vous boycottez les négociations et le vote, rien ne va bouger, c'est le statu quo qui va prévaloir. C'est une proposition du gouvernement. Donc si jamais le gouvernement il arrive avec sur la table, tout le monde à 1100 euros, et pas seulement ceux qui rentrent en retraite à 1100 euros, tout le monde à 1100 euros, est-ce que je voterai pour ou contre ? Je voterai pour la retraite à 1100 euros. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si jamais c'est ce que le gouvernement vient mettre sur la table avec clarté. Une interpellation sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, une interpellation d'Axel sur Twitter qui revient sur la motion de censure. Lui, il craint que cette motion elle ne puisse jamais aboutir et il vous écrit « J'ai peur que le reste des députés qui sont contre ne vous suivent pas juste parce que c'est la France insoumise qui dépose cette motion. » Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous craignez? Aujourd'hui, il y a une majorité relative qui existe à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai dit depuis le départ. Depuis le mois de juin, je n'ai jamais contesté la majorité relative qui existe du fait de l'union des Républicains et de la République en marche. Donc on va voir si ça se maintient. Comment vous allez faire pour convaincre les autres députés d'opposition ? Vous savez, ce sont des actes qui sont posés. On va tout faire pour que ça passe. Maintenant, il n'y a pas la garantie que ça passe. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on se concentre sur ce qui se passe à l'Assemblée. Ce n'est qu'une chambre d'écho de ce qui doit se passer par ailleurs dans le pays. Je veux dire... aujourd'hui, on a 80% des Français qui sont, 77% qui sont hostiles à cette réforme des retraites. Il faut que ça bouge aussi dehors et qu'on soit la chambre d'écho. Le président de la République dit ne pas vouloir la chienlit, selon les infos notamment de RTL, lors d'un dîner mercredi soir. Vous dites dehors, il aura la chienlit. Non, mais je ne la souhaite pas. Moi non plus, je ne veux pas la chienlit pour mon pays. Moi aussi, je voudrais que les difficultés se règlent dans l'apaisement. Mais la manière dont il fait les choses, aujourd'hui, ne permet pas de mener à l'apaisement. Je veux dire, le mot du moment, c'est quand même indécence. On vit un temps d'immense indécence. Qu'est-ce qui se passe ? C'est, vous savez, le journal Les Échos de mon ami Bernard Arnault qui proclame qu'on atteint aujourd'hui le record de tous les temps des dividendes dans notre pays pour les actionnaires, 44 milliards d'euros. Que c'est Le Figaro qui annonce que les revenus des PDG ont doublé l'année dernière. Et dans le même temps, on a cet immense gavage qui se produit en haut. Vous avez en bas les gens qui sont rationnés. Oui, mais où on demande de rationner les gens sur leur salaire. Ça, je comprends votre raisonnement, mais vous avez un raisonnement où vous dites « je ne veux pas la chienlit », mais vous voulez un référendum qui mette en échec Emmanuel Macron. Mais c'est lui qui propose sa réforme. S'il propose sa réforme, il faut qu'elle soit démocratiquement acceptée. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en fait depuis au moins 2005 ? Il se passe que depuis ce moment-là, nos dirigeants portent un projet qui se fait contre le peuple et sans le peuple. Depuis ce temps-là, les mots de concurrence, de croissance, de mondialisation sont des mots qui sont morts, qui se traînent, qui soulèvent de l'inquiétude, voire du dégoût. Ça fait maintenant presque 20 ans que ça dure. Et donc à chaque fois, il s'agit qu'ils aient le courage, ils nous disent, mais le courage de faire contre le peuple. Ben non, ça c'est pas du courage. Qu'à un moment, ils aient le courage de faire contre les puissances financières. Ça sera du courage. Et donc moi je dis, si jamais il veut pas la chienlit, il y a une solution dans notre pays pour organiser les conflits. Moi je pense que quand on est dans une démocratie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il ne s'agit pas d'avoir du consensus. Mais il y a des conflits qui existent dans la société. La couleur aujourd'hui de l'Assemblée nationale comment on organise ces conflits ? Comment on les institutionnalise ? Comment on en parle ? Comment on fait que, malgré les conflits qui traversent la société, on continue de faire ensemble dans cette société-là ? Et je crois que le meilleur juge de paix, dans une démocratie, je rappelle quand même que « demos » veut dire « peuple » et « kratis » veut dire « pouvoir », le pouvoir au peuple, et bien le meilleur moyen dans ce cadre-là, c'est de rendre le pouvoir au peuple et de lui demander de trancher sur une réforme qui n'est absolument pas essentielle aujourd'hui pour notre pays. C'est-à-dire qu'il l'amène à cliver. Je veux dire, faut voir que dans quel moment on se trouve. Les gens se demandent s'ils vont pouvoir pas payer leurs factures cet hiver. On leur demande de se serrer la ceinture parce qu'on a une inflation qui est deux fois plus forte que l'augmentation des salaires. Une inquiétude climatique qui est là et on vient nous dire que l'inquiétude qu'on devrait avoir majeure et le problème qu'on devrait avoir à régler, c'est le déficit des retraites à l'horizon 2050. Justement, à propos de l'inflation, Jim Jarassé. Oui, une question sur le pouvoir d'achat et notamment sur les salaires. Est-ce que vous réclamez toujours une indexation des salaires sur l'inflation ? Plus que jamais. Et presque, j'ai l'impression d'être validé par Elisabeth Borne. Vous savez, elle vient d'expliquer cette semaine qu'il fallait que le paquet de cigarettes soit indexé sur l'inflation. Pourquoi pas ? Donc, elle relève le prix du paquet de cigarettes. Mais pourquoi, dans le même temps, on ne relève pas de la même manière les salaires ? Pourquoi, au moins jusqu'à un seuil de 2000 euros ou 2200 euros, on ne relève pas les salaires ? Moi, je viens avec un mot d'ordre simple. Mais vous savez ce que ça déclenche ? Ça déclenche une spirale inflationniste, ce que vous décrivez. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand il y a une spirale inflationniste dans les dividendes des actionnaires, quand il y a une spirale inflationniste pour les salaires des PDG, quand il y a une spirale inflationniste pour les bénéfices des entreprises, de Total et compagnie, ça pose pas de problème à personne. Par contre, là où on devrait trembler, C'est quand tu aurais une spirale inflationniste pour les agents d'entretien, pour les auxiliaires de vie sociale, pour les caristes, pour les camionneurs, bref, pour tous ceux dont on a dit dans le creux. C'est une conséquence économique sur une augmentation. Non. Enfin, voilà. C'est une nécessité de justice. Vous savez, on ne peut pas célébrer à tout va la valeur travail, et concrètement faire que cette année, les gens vont perdre 3% en travaillant. Et en travaillant dur, et en tenant le pays debout. Parce que ce n'est pas les conseillers chez McKinsey ou les banquiers d'affaires qui aujourd'hui tiennent le pays debout. Et ceux-là, j'aimerais bien voir ce que ça donne, leur spirale inflationniste. On continue sur le concret. Les prix alimentaires ont augmenté 10% sur un an. Certains produits de première nécessité de 20 à 30%. Vous demandez le blocage des prix. Comment ça fonctionne? Comment ça peut fonctionner? Moi, je suis surtout favorable à ce qu'on ait une indexation des salaires sur l'inflation. Mais donc, sur cette question, donc, parce que ça, on l'a abordé, mais sur cette question du blocage cette question, des prix. Moi, ma mesure centrale demeure sur les salaires. Les Français doivent pouvoir vivre de leurs salaires. Alors, il y a un certain nombre de prix dont aujourd'hui, y compris Michel-Édouard Leclerc et un certain nombre d'autres patrons de la grande distribution, ainsi de suite, disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corrélation entre les prix réels et les prix qui sont affichés. Donc là, il y a des phénomènes spéculatifs qui se passent et qu'on doit de toute façon endiguer. Quand on regarde qui se produit dans un certain nombre de pays en matière de blocage des prix, des expériences. Les expériences font que le blocage des prix peut être une mesure temporaire utile pour calmer les choses. Mais dans la durée, on ne tient pas à blocage des prix. Donc, de manière temporaire, pour faire que les ménages ne souffrent pas trop, je pense qu'il y a nécessité de calmer les choses sur les prix alimentaires et ensuite d'enlever cette mesure dans la durée, quoi. Une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Une interpellation de Michel sur Twitter qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Il dit c'est se moquer du monde que d'affirmer que la France vit un saccage social. Et d'après lui, vous oubliez tout ce qui concerne les boucliers qui ont été mis en place pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais d'abord, je n'ai pas parlé de saccage social, mais en revanche, on vit un temps d'injustice sociale. Vous savez, quand dans le projet de loi de finances, là, Monsieur le maire vient de nous dire que ça va être à 1 euro près et qu'en fait, il s'apprête à faire 8 milliards d'euros de cadeaux supplémentaires pour les grandes entreprises. Au dieu tiers, ça va être pour les grandes entreprises mais du la pays. La question portée sur le bouclier je, non, de mais je vous dis, on vit un temps d'injustice sociale. Moi, je me bagarre pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap qui sont à 800 euros par mois en moyenne. Là, ça va être à l'euro près. Là, il n'y aura pas d'augmentation. Alors maintenant, sur le bouclier tarifaire, tant mieux. Tant mieux, bien sûr, qu'on vienne mettre cette rustine. Maintenant, c'est quoi? On va dépenser des dizaines de milliards d'euros pour du grand n'importe quoi, pour de la spéculation. C'est-à-dire que on avait un système qui fonctionnait, ça s'appelait EDF-GDF, avec des tarifs réglementés. Et il a fallu que l'Europe, il a fallu que M. Sarkozy, il a fallu que M. Macron casse tout et nous amène à un grand bazar. Qu'est-ce qu'on y a gagné avec ces fanatiques de la concurrence, concurrence, concurrence, marché, marché, marché? On n'y a rien gagné. Et c'est une chose rare, mais je voudrais dire que là, je suis en accord avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, qui vient nous dire quoi? Il faut qu'il y ait une volonté politique pour sortir de ce marché européen. Et je pense qu'en fait, c'est la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Pas seulement sur l'énergie, mais sur le travail, par exemple. C'est est-ce qu'on croit au marché toujours, toujours, toujours? Ou bien est-ce qu'on croit à la volonté qui vient construire, organiser la société? Si on laisse la main invisible du marché faire sur l'énergie, c'est la spéculation à tout va. Ce sont des tarifs qui doublent et ainsi de suite. Et donc, il y a la nécessité pour moi de les réglementer et pas seulement de mettre des rustines a posteriori. Mais il en est de même sur le marché du travail. Si on laisse faire le marché du travail, qu'est-ce qu'il fait le marché du travail? Il écrase le salaire des femmes de ménage qui sont sans doute passées sur le studio pour nettoyer avant qu'on arrive. Et donc, il y a la nécessité pour moi d'avoir une régulation de la société, une volonté politique qui soit pas seulement de dire on laisse faire le marché. Pour continuer sur le pouvoir d'achat, le 16 octobre, la gauche organise une marche contre la vie chère et pour le climat. Vous y serez, vous défilerez? Oui, évidemment, vous savez, chaque fois qu'il y a la possibilité d'être dehors, j'étais jeudi dernier avec les syndicats, je serai le dimanche 16 octobre. Vous n'avez pas été déçu par la mobilisation de jeudi dernier? Vous savez, je sais quel est mon principal adversaire dans ce pays. Il ne se nomme pas Emmanuel Macron, il ne se nomme pas Marine Le Pen, il se nomme la résignation, il se nomme l'indifférence. Et je sais le travail quotidien que nous avons à faire amener de l'espérance dans le cœur des gens qui les fassent sortir de chez eux. Est-ce que vous regrettez que les syndicats ne s'associent pas à cette journée-là? C'est leur choix. Et moi, je respecte l'indépendance des syndicats. Et je dis simplement, quand les syndicats font des choix, j'y suis. Quand les partis politiques font le choix de faire bouger le peuple, j'y suis. Et je suis sûr que dans cette marche du 16 octobre, il y aura des tas de syndicalistes qui seront également présents. Laurent Berger dit qu'il ne faut pas confondre démarche politique et action syndicale. Beaucoup dans les syndicats ont vu dans l'initiative de Jean-Luc Mélenchon une action politique, peut-être marchant sur les plates-bandes de l'action syndicale. Non, mais, je veux dire, maintenant, tout ce qui peut être fait pour faire bouger le pays doit être essayé. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Nous devons essayer quelque chose et aujourd'hui, on doit essayer tout ce qui est possible pour remettre de l'espérance dans le cœur des gens. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, il y avait une espèce de colère froide, de résignation qui grattait, venait s'installer dans les âmes. Eh bien, on a un devoir qui est de faire que ça sorte. Parce que sinon, ça produit du ressentiment qui arrive vers le pire. Vous croyez à une possible explosion du type gilet jaune dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Est-ce que vous pouvez me dire si... Mais vous ressentez les choses. Non, et d'ailleurs, vous mettez ça en avant. Vous pouvez être un baromètre. Je sais qu'il y a une chape de résignation qui pèse sur le pays. On a une difficulté aujourd'hui. C'est qu'on a des mesures qui sont prises politiquement, qui sont, pour moi, dans la continuité de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire un robin des bois à l'envers qui vient prendre aux pauvres pour donner aux riches, quoi. Les 8 milliards d'euros dont je vous parlais sur les impôts, là, qui vont baisser pour les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il y a comme un habillage de ça qui est, c'est de la faute à la guerre en Ukraine, c'est le climat, c'est un espèce de phénomène naturel. Et on a montré que c'est pas un phénomène naturel, que c'est aujourd'hui des choix politiques forts qui sont opérés, que Monsieur Bruno Le Maire va venir nous dire pendant le vote du budget qu'il n'y aura pas un euro, en gros, pour augmenter les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, tandis qu'il y aura 8 milliards d'euros qui iront très largement aux grandes entreprises de ce pays. Ça, c'est d'un choix politique. On doit le présenter comme tel aux gens et on doit faire que ça ne soit pas seulement une colère intérieure, mais qu'il y ait des canaux pour exprimer ça. Une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, depuis hier, le plafond des tickets restaurants passe de 19 euros à 25 euros par jour et on peut toujours continuer à s'en servir au supermarché. Donc évidemment, les internautes, eux, ne sont pas passés à côté de cette information. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une bonne nouvelle pour leur pouvoir d'achat ? Oui, moi je veux bien, mais vous savez, toutes les primes, les machins, les trucs, je les prends. Mais enfin, j'ai une demande qui est simple, les Français doivent pouvoir vivre de leur salaire. Ils doivent pas vivre de chèques vacances utilisés pour aller faire les courses au supermarché. Voilà. On vit dans quel pays aujourd'hui ? On vit dans un pays où un quart des Français, c'est plus une proportion marginale. Un quart des Français se restreint sur ses dépenses d'alimentation. Voilà. Et c'est à peu près dans les mêmes proportions que les gens ont des difficultés, même plus, à payer leurs factures, qu'ils se restreignent sur leurs déplacements. Donc voilà, on a une injustice, une rétractation pour un quart, un tiers, presque parfois la moitié de la population. C'est presque 45% des Français qui sont à découvert tous les mois. Bon, voilà. On va évoquer maintenant une actualité sociale chargée avec Jim Jarassé. Oui, une question sur l'entreprise, le groupe Camailleux. Qui a été liquidé cette semaine. 2600 salariés ont perdu leur emploi. C'est une tragédie sociale. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que cette tragédie soit évitée ? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État ? Alors, déjà, la responsabilité, pour moi, elle est antérieure. Si on regarde ce qui se passe, c'est en 2007, il y a un LBO, un Leverage Buyout, je suis désolé mais d'utiliser les termes anglais techniques, mais qui fait qu'on demande à l'entreprise de s'auto-endetter pour se racheter. C'est une folie, ces LBO. C'est un mécanisme financier complètement fou. Et à l'époque, le PDG de Camailleux se paye plus que le PDG de Total ou que le PDG de la Société Générale. C'est-à-dire que la tombe de Camailleux, qui est enterrée aujourd'hui, elle est creusée il y a aujourd'hui 15 ans. Et en vérité, qu'ont fait les pouvoirs publics à l'époque ? Ils s'en sont lavé les mains, comme de tous les LBO dans le pays. Vous savez, moi, je fais mes petits tours en province, dans le sud-ouest, je vais aux menuiseries Grégoire. Est-ce que le dernier actionnaire a voulu sincèrement relancer l'entreprise ? En tout cas, pour moi, le cœur de la responsabilité, il n'est pas sur le dernier actionnaire, il est très clairement sur ce qui s'est passé il y a 15 ans et qu'on a laissé faire. Ensuite, que ça n'ait été qu'en empirant, que l'État n'ait pas pris pleinement ses responsabilités. Mais vous savez, dans le même registre, j'ai un dossier qui me paraît encore plus marquant, et là, c'est 3600 salariés. Scopelec. Oui, Scopelec. Là, le rôle de l'État, il est flagrant. Ouais. Sous-traitant d'Orange. Pendant 50 ans, ils ont installé le cuivre pour télétéléphone, ils ont installé le Minitel, ils ont installé la fibre désormais. Et là, Orange, sous-traitance égale maltraitance, décide de couper le contrat avec Scopelec. Ils feraient un premier engagement de maintenir l'activité pendant 2 ans, qu'ils ne tiennent pas. Et on a, puisqu'on est en matière de téléphone, télécommunications, on a Bruno Le Maire qui est aux abonnés absents. François Ruffin, justement, vous dites sur Twitter, Macron et Le Maire, je vous cite, acte la lente agonie productive du pays. Les chiffres de 2021, parce que du coup, on a regardé. Année record pour la création d'emplois, création d'usines, relocalisation de production, selon un indicateur qui s'appelle Trendéo. Comme ça, je cite tout, c'est sorti en avril dernier. Je pourrais citer encore 176 créations d'usines contre 56 fermetures, etc. Il y a eu les aides, relance, les plans de relance du gouvernement. Vous dites que le gouvernement est responsable de l'agonie productive du pays ? Oui, je dis que aujourd'hui, en particulier dans le dossier Scopelec, il n'a pas pris ses responsabilités et qu'on va arriver sans doute à un chaos supplémentaire. On a déjà le chaos à l'hôpital, on a le chaos dans l'éducation nationale et ça va être le chaos peut-être dans l'installation des télécommunications avec un grand groupe comme ça qui va repasser en mode auto-entrepreneur. Sur l'agonie productive du pays, François Écoutez, Ruffin. Moi, parce que les chiffres disent plutôt l'inverse sur 2021. J'ai l'évolution, si vous voulez, de l'emploi salarié en France depuis 5 ans par rapport au reste de l'Union européenne. On est le septième pire pays. On est le septième pays où il y a le moins d'emplois salariés qui se créent. En revanche, où est-ce que ça décolle à fond ? C'est sur l'emploi non salarié. Alors là, sur l'emploi non salarié, on est le troisième à créer de l'emploi dans le pays. Mais c'est pas la réponse à la question. Mais si, c'est la réponse à la question. C'est la réponse à la question parce que, du coup, ça fait poser quel est l'emploi qu'on est en train de créer dans le pays. Est-ce qu'on est en train de créer des emplois avec statut, avec revenu, avec horaire, avec salaire, qui vont faire que les gens vont pouvoir en vivre et organiser leur vie autour de ça? Ou est-ce qu'on est en train de produire du mal-emploi? Quand on a 1,1 million de créations d'auto-entreprises, on crée du mal-emploi aujourd'hui dans ce pays. Vous savez, c'est des gens qui sont en usine, à qui j'ai, hein, qui fabriquent de la poudre pour faire les brioches pastillées, du pain de mie, ainsi de suite. Le patron vient le voir et lui propose de passer auto-entrepreneur. Et il y a 7 de ses collègues qui sont auto-entrepreneurs à l'intérieur de l'usine. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une organisation de la société qui se demande qu'est-ce qu'on veut produire, comment on veut le produire. On laisse faire le marché et en l'occurrence, on crée un nouveau statut qui dévalorise le statut de salarié. Mais qu'est-ce que peut faire l'État en la matière ? Il s'agit quand même d'une régulation des entreprises. Non, mais attendez, l'État en la matière, c'est quand même Macron qui a inventé ce truc d'auto-entrepreneur. Non, c'est pas Macron, mais... Qui a tout fait pour le développer, pour produire des avantages en série. Je veux dire, Macron, ils ont... pas de difficulté quant à nous dire du jour au lendemain qu'on peut plus sortir de chez nous, qu'on peut plus aller à plus d'un kilomètre, ou alors faut remplir un papier, qu'il y a ce qui est essentiel et pas essentiel, à quelle heure on doit retourner chez nous en temps de confinement et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et en revanche, quand il s'agit des entreprises, là, on les laisse faire. On ne s'ingère pas. Non, je ne suis pas d'accord. Normalement, à l'intérieur des entreprises, on peut voir s'il y a des choses qui dérogent. Le nombre de personnes qui... sont charistes, à qui on fait 3 contrats de 6 mois en intérim. Et ensuite, on leur demande de retourner à la maison pour 6 mois. Et après, on les reprend pour encore 18 mois. Ça produit du dégoût. Ce sont des gens que je rencontre qui avaient la vocation de la logistique. C'est comme ça. Il y en a qui ont la vocation du journalisme, il y en a qui ont la vocation de la politique. Et pour moi, la vocation de l'enseignement, du soin ou alors de la logistique, ça existe aussi. Mais la manière de traiter l'emploi salarié avec de la précarité permanente et successive fait que ça installe du dégoût dans le cœur des gens. Et c'est voilà. Et donc là, que peut faire l'État ? Ben normalement, il doit réguler ça. Il doit se demander aujourd'hui comment on fait pour qu'il n'y ait pas des temps partiels subis. On est à 18% de temps partiel dans notre pays. On sait que ce sont des femmes, très majoritairement, qui font des petits bouts de contrat le matin, des petits bouts de contrat le soir. Ben, que peut faire l'État ? Ben, il peut décider que ça ne doit plus exister, qu'on doit être en journée continue. Ce sont des décisions politiques et on peut ne pas s'en laver les mains. Vous savez, il y a un rapport qui a été rendu après la crise Covid sur les travailleurs de la deuxième ligne, produit par le ministère du Travail, rendu à Elisabeth Borne, qui identifie 17 métiers absolument essentiels et indispensables. Qui dit que ces métiers-là sont aujourd'hui en contrat plus court, qui sont sous-payés d'au moins 30%, qu'ils ont des horaires instables. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on décide de faire pour tout ça ? Rien, Madame Borne vient nous dire, nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'en lave les mains. Ça veut dire qu'elle laisse faire la main invisible du marché rebaptisée dialogue social et qu'elle espère qu'avec ça, les agents d'entretien, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment vont être mieux payés. Bah, qu'est-ce qu'on voit ? Que les agents d'entretien, que les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, que les travailleurs du bâtiment sont pas aujourd'hui mieux payés. Ils ont pas des contrats plus stables et ils ont pas des horaires de journée. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut 5 millions de travailleurs. 5 millions de travailleurs qu'on dit absolument essentiels et indispensables et qui, au fond, sont maltraités aujourd'hui tous les jours. Oui, dans votre livre, vous dites que la gauche doit redevenir le camp des travailleurs. Est-ce que ça veut dire, c'est dans ce cas-là un constat assez dur, que la gauche ne réussit plus à parler aux travailleurs ? C'est le sentiment qui m'a été renvoyé pendant ma campagne. C'est-à-dire que les gens venaient me dire, nous, au travail, on n'a droit à rien. Et par ailleurs, ils me disaient, moi, je ne peux pas voter pour la gauche, je vous aime bien, mais je suis pour le travail. Ce qui, pour moi, était quand même un choc, parce que depuis Jaurès, fourmis, les grèves de mineurs, la gauche, c'est le travail. Et donc, je pense que, on a un travail à mener sur le travail pour faire que pas seulement les gens qui sont aujourd'hui pauvres, mais les gens qui sont un peu dessus, au-dessus, qui sont à 1300, 1500 euros, 2000 euros, ils se reconnaissent dans ce qu'on va pouvoir apporter pour eux. Donc par exemple, c'est pour ça ma proposition d'indexer les salaires sur l'inflation me paraît être une urgence aujourd'hui. Vous mettez les mots, François Ruffin, vous dites que les remarques sur les assistés, les cassos, je vous cite, sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés. Cette semaine, vous avez été interrogé sur la question de savoir c'est quoi les cassos, c'est qui les cassos. Vous n'avez pas franchement répondu. Alors moi, je vous repose la question. Non, mais alors, d'abord, dire que ce discours que j'ai entendu dans ma circonscription, comme je le fais en reporter, je ne le fais pas mien, d'accord ? C'est quelque chose que j'entends. Par contre, ce que je dois faire mien, c'est comment je réponds politiquement à ça. Alors, comment on répond politiquement? Comment je réponds politiquement? Je dois d'abord dire que les Français doivent pouvoir vivre de leur salaire, d'abord, de leur salaire présent, de leur salaire passé, c'est les retraites, de leur salaire à venir, c'est les jeunes qui sont en formation et qui doivent pouvoir en vivre parce qu'ils sont en formation. Donc, il y a une réponse sur aujourd'hui faire que, simplement, les gens qui sont agents d'entretien, je vous les ai cités tout à l'heure, des 17 métiers de la seconde ligne, 5 millions de travailleurs qui aujourd'hui sont au ras de l'eau, ils puissent vivre de leur salaire. Et sur les aides sociales, vous dites quoi ? Sur les aides sociales, je dis quel mot assisté qui est beaucoup utilisé. Non, mais d'accord. Mais bon, je le redis. D'abord, je vais me considérer, moi, comme étant un assisté. Vous savez, et je pense que vous voyez, vous avez utilisé votre téléphone dans l'entracte et vous n'arrivez pas à vous le dépanner. On vous a aidé. Et moi, en permanence, mais voilà. Tout, hein. Pardon ? Les coulisses sont. Oui, les petites coulisses. Mais je pense que je ne révèle aucun secret. Mais moi, en permanence, je veux le dire. Je suis assisté. Parfois, j'ai quelqu'un qui me conduit sur un lieu de réception. On me démêle mes papiers. Donc, déjà, je suis un assisté. Vous savez, les puissants sont ceux qui sont les plus assistés. Mais l'image des assistés, ce n'est pas ça, c'est pas celle qu'on est. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais faut le dire quand même. Faut dire que nous aussi, nous sommes des assistés. En tout cas, pour ma part. Donc sur les allocations. Sur les allocations. D'abord, moi, je viens dire aujourd'hui, les gens qui sont au RSA, comment est-ce que vous vous mettriez au RSA ? Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à en vivre à 600 euros ? Je pense que personne n'y arriverait, même avec les allocations familiales et ainsi de suite en plus. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que les gens sont à 600 euros avec le RSA. Le problème, c'est qu'on est à 1 100 euros avec des temps partiels. On est à 1 300 euros quand on est au SMIC. On est à 1 500, 1 600, 1 700 euros éventuellement quand, vous voyez, je rencontre un gars qui est chef d'équipe dans une usine. Il a 13 ans d'ancienneté, il travaille de nuit, il a 1 700 euros. Comment vous vivez avec 1 700 euros ? Et bien derrière, il fait du Uber à 2h du matin. En rentrant du boulot, il fait du Uber en plus. Ben la question, c'est comment on fait pour revaloriser les salaires et pas faire que les gens regardent ce qui se passe en dessous d'eux. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout pour diminuer les niveaux de sécurité sociale. Il faut un filet de protection dans le pays. Il faut un filet de protection pour les mères célibataires. Il faut un filet de protection pour les accidentés de la vie. Il faut tout ça. En revanche, le but pour moi, il est clair, c'est que les Français, tous ceux qui le peuvent, doivent pouvoir vivre de leur salaire. Donc, par exemple, la garantie d'emploi. Porter la garantie d'emploi et se dire pourquoi ? Je veux dire dans quel cadre je pose ça aussi. Moi, je pense que nous avons un enjeu central. C'est le défi climatique. Nous devrions être Roosevelt 1942. Roosevelt, il arrive au pouvoir pendant pendant la guerre. Il lui manque de bombardiers, il lui manque de porte-avions, il lui manque de temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Il canalise toute l'énergie du pays, la main-d'œuvre, le capitaux, l'énergie, le savoir-faire en une direction qui est l'économie de guerre. Nous devrions faire la même chose pour l'économie de guerre climatique et se dire qu'aujourd'hui, par ce temps-là, il n'y a pas deux mains qui sont inutiles à cette bataille-là. Il n'y a pas un cerveau qui est inutile à cette bataille-là. Si on prend par exemple la rénovation thermique, l'an dernier, on a rénové 2500 passoires thermiques. Il y en a 5 millions dans le pays. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faudra 2000 ans. L'équivalent entre le Christ et aujourd'hui. Voilà le rythme du marché aménagé par MaPrimeRénov de Bruno Le Maire. Mais à la place de porter des cols roulés, Monsieur Bruno Le Maire, et nous présenter sa collection automne-hiver. Ce qu'il devrait faire, c'est nous dire comment il va faire pour rénover ses 5 millions de passoires thermiques. Or, il n'en a pas la moindre idée. Moi, je dis, là-dedans, mais ça fait 5 ans que je le répète à l'Assemblée nationale, on doit y mettre les moyens parce que ça sera du gagnant, gagnant, gagnant, gagnant. Ça sera gagnant. Ça sera gagnant pour les factures des gens, ça sera gagnant pour la planète, ça sera gagnant pour l'emploi, ça sera gagnant pour l'indépendance du pays. Et là, il n'y a pas de plan pour faire ça. Et ça, c'est du travail. Et oui, je souhaite que tous les Français qui peuvent travailler, aujourd'hui, travaillent. Une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legrand. Vous parlez du travail, on a parlé des salaires tout à l'heure. Du coup, on a une question de Françoise qui veut savoir ce que vous pensez du revenu universel. Est-ce qu'il faut un revenu universel en France ? Alors, je n'y suis pas favorable. Moi, je suis favorable à ce que ça soit le travail qui soit rémunéré. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on ait des gens qui travaillent, qui aient le sentiment de travailler pour les autres. Il y a dans notre société des milliers de tâches à effectuer. S'il n'y a pas de travail, on ne se retrouve pas aujourd'hui, mais les gens ne peuvent pas entendre dans le poste de radio parce qu'il n'y a pas l'énergie qui arrive chez eux. Quand j'ouvre mon robinet et que je prends un verre d'eau, c'est du travail qui est derrière ça. Quand je vais voir une personne âgée à l'hôpital, c'est du soin, c'est du lien, c'est du travail qui est derrière ça. Donc moi, je pense que dans une société comme la nôtre, chacun qui est en mesure de le faire doit prendre sa part du travail commun. Voilà. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui travaillent, dire il va y avoir un revenu universel, c'est un discours qui ne passe pas du tout. Jim Jarassé. Quand on regarde les données électorales, on peut se demander si finalement le parti des travailleurs n'est pas devenu celui du Rassemblement National. Est-ce que finalement il ne vous a pas battu dans le combat contre la mondialisation et pour la défense des travailleurs ? Alors, d'abord, le premier parti des travailleurs, aujourd'hui, c'est l'abstention. Et je veux dire, je le redis tout à l'heure, je disais, on a une bataille à mener. Mon premier adversaire, c'est même pas Macron, c'est même pas Marine Le Pen, c'est l'indifférence, et en l'occurrence, l'indifférence politique. Donc c'est comment on redonne aux gens le sentiment d'une espérance, qu'ils existent, qu'on parle d'eux. Quand une campagne présidentielle entière se déroule sans qu'on parle des agents d'entretien, sans qu'on parle des auxiliaires de vie sociale... Vous comprenez la France insoumise là-dedans, c'est un échec collectif. Je pense qu'on a oublié cette question-là et que ça me paraît... François Ruffin, clairement. Tous, toute la gauche et M. Macron et tout le monde. Je n'ai pas entendu ces métiers énoncés. Or, il faut redonner non seulement de la valeur au travail, mais il faut aussi incarner et donner une fierté du travail. La question de Jim, c'est de savoir si en fait le Rassemblement National n'a pas... plus fait et mieux fait le travail au final. L'instant, franchement, vous regardez le programme du Rassemblement National, c'est vide. Le mot précarité n'existe pas dans le programme. Le mot inégalité n'existe pas dans le programme. Donc il y a un champ immense, ils ne savent pas faire ça. Mais simplement, si jamais nous, on ne l'incarne pas, si on ne vient pas incarner cette fierté des travailleurs, je sais de quel côté est la pente. Je sais vers quoi ça glisse. Mmh. Je sais vers quoi mène naturellement le ressentiment. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas nier que on n'est pas en tête là-dedans, dans le camp des travailleurs, pour ainsi dire. Sinon, on serait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Sinon, on serait plus nombreux à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une bagarre qui a mené. Je veux dire qu'elle n'est pas perdue. Vous parlez de la pente après les exemples suédois et italiens. Est-ce que vous craignez une victoire de Marine Le Pen en 2027 ? C'est une possibilité qui est sur la table. Mais je ne vois aucune fatalité à l'histoire. Vous savez, la crise de 29, elle a débouché sur le New Deal aux États-Unis, sur le nazisme en Allemagne et sur le Front populaire en France. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que, parce qu'il y aurait de l'extrême droite qui s'installerait en Italie, ça voudrait dire qu'elle va s'installer en France. C'est une bataille qui est en cours et je demande à mon camp qu'on la mène pleinement. Qu'on la mène pleinement, entre autres, sur le travail. Vous avez l'impression d'être entendu. J'ai l'impression que ça fait bouger les choses. Il faut secouer un peu le cocotier. On se prend quelques noix de coco sur la tête, mais ça fait partie du jeu. Vous voulez aussi parler de sécurité, parler aussi d'immigration. Quand Emmanuel Macron propose, par exemple, de répartir l'immigration dans les campagnes, comment vous voyez cette proposition ? Écoutez, d'abord, c'est pas mon sujet. Moi, je considère qu'on ne doit pas éviter ces thèmes-là quand ils surgissent. Je veux dire que quand dans ma campagne électorale, j'arrive dans un quartier et qu'on me dit, ben voilà, il y a du bruit toute la nuit, il y a des rodéos, on n'arrive plus à vivre. Moi, je me mets pas des doigts dans les oreilles et les mains sur les yeux en n'entendant pas et en voyant pas. Qui parce fait que ça aujourd'hui ? Personne. Je pense que personne ne le fait. Mais je le dis, moi, je ne veux pas qu'on le fasse. Et je ne veux pas que la gauche le fasse. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », est-ce que ça ne vient pas contrecarrer ce message-là, ce que vous voulez entendre ? Moi, il est clair que ça n'est pas mon expression. D'accord ? En tout cas, quand il arrive qu'un policier tue et ça ne doit pas se passer ou ça doit se passer au minimum possible, il doit y avoir enquête, il doit y avoir justice et sanctions. Et si ça ne se passe pas, ça met en péril le sentiment de justice et le rapport à la démocratie dans notre pays. Mais en revanche, je ne généraliserai pas sur la police tue. C'est pas sa fonction. Évidemment, moi, je veux dire, je suis interpellé dans des quartiers où on demande aussi la présence de la justice, mais pas de la police, pardon, mais pas seulement pour venir taper avec le gros bâton et la matraque, mais simplement pour rétablir un lien de confiance entre des habitants. Sur l'immigration, François Ruffin, est-ce que vous dites bonne mesure, voilà un peu plus enfin d'humanité, ou vous craignez que ce type de proposition renforce l'électorat RN que vous espérez justement reprendre en main? Il doit y avoir un projet de loi en la matière, je crois, mais ça sera pour janvier. Pour l'instant, c'est très flou, tout ça. Mais l'idée, le concept de dire remettre, répartir l'immigration dans les campagnes, vous avez forcément un avis là-dessus. Je pense qu'on aura du mal à assigner à résidence. On voit que quand ça s'est produit, mais je veux dire, je ne suis pas contre. Que moi, j'étais très heureux quand mon copain Liévin, qui est d'origine rwandaise, est venu à Proyard, dans le Santerre, et qu'il y avait un visage noir au milieu de tous les visages blancs. Donc c'est un mode d'intégration possible. Mais ce qu'on voit dans les témoignages, c'est que souvent, les personnes d'origine étrangère qui se qualifient, qui entrent en formation dans les campagnes, eh ben ensuite elles sont attirées vers les métropoles, comme au fond aujourd'hui les jeunes de manière générale sont attirés vers les métropoles, et on va pas réussir à résister à ça. Mais encore une fois, on verra ce qui est proposé dans le projet de loi immigration, qui est pas pour tout de suite, quoi. Et une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, qui concerne ce qui s'est passé aux Mureaux dans les Yvelines. Le deuxième adjoint au maire des Mureaux, donc qui est un élu socialiste, a décidé de démissionner. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, il a subi 11 agressions qui ont concerné soit lui-même, soit sa famille. C'est ce qu'il explique sur Twitter. Et il dit « on me reproche d'être qui je suis ». Donc la droite et l'extrême droite, eux, dénoncent un racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous, vous dites face à ça ? Eh ben, je dis que c'est exactement ce qu'on ne veut pas pour notre pays. Moi, je ne veux pas pour mon pays des campagnes où les personnes d'origine étrangère seraient les malvenues, ou simplement des personnes de couleur, et des banlieues où ça serait l'inverse qui se produirait, et où il y aurait des propos homophobes aussi, parce que vous ne l'avez pas dit, mais il y a ça aussi qui est en cause. Donc de toute façon, pour tout le pays, de manière uniforme, il n'y a pas le droit à l'antisémitisme, il n'y a pas le droit au racisme quel qu'il soit, et il n'y a pas le droit aux propos homophobes. Et il faut être très clair que ça vaut pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble de la nation. On va passer à un autre sujet qui secoue votre famille politique, c'est les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Adria Quatennens est visée par une nouvelle main courante de son ex-femme pour harcèlement par SMS. Est-ce que vous pensez qu'il faut une tolérance zéro et un retrait total de la vie politique d'Adria Quatennens ? Je veux vous dire ce que j'ai dit le lendemain de son premier communiqué, enfin d'ailleurs le seul qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai dit, d'abord, les violences au sein du couple sont intolérables, quels que soient les conflits qui existent, et j'apporte mon soutien aux femmes victimes en France et dans le monde. Maintenant, je prends acte des excuses d'Adrien, de son retrait, et je pense que de toute façon, il va se mettre en retrait de la vie publique pendant un moment. Et je pense pas que ça soit là, dans l'urgence, quand il y a le feu, qu'on doit décider si un homme doit abandonner la vie publique définitivement ou non. Je pense qu'on peut se donner un temps de suspension pour que les esprits s'apaisent et qu'on voit quelle est la réalité des faits et qu'on le fasse pas à l'emporte-pièce. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes gêné sur la façon dont ces affaires sont traitées ? Non, mais je suis pas gêné. Je viens dire simplement, là, il faut un temps de suspension de notre jugement et qu'on laisse les esprits s'apaiser et qu'ensuite on voit. Je pense que Adrien va pas revenir dans la vie publique immédiatement et que ensuite, il peut y avoir une discussion, qu'on saura davantage ce qui se passe. Éric Dupond-Moretti dit on est en train, avec notamment les affaires Quatennens et Bayou, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Non, mais en même temps, je tiens à vous le dire, on ne peut pas attendre que la justice fasse les choses parce que ça prend des années. Un viol sur 100 fait aujourd'hui l'objet d'une condamnation à l'arrivée. Et de toute façon, vous savez, quand vous avez un agent d'entretien qui pique un paquet de feuilles ou de stylos, il se fait virer par sa boîte, il y a sanction, sans même qu'on passe par la case justice. Comment ça se fait que quand il y aurait une agression sexuelle, ou quand il y aurait du harcèlement qui se produirait, on nous dirait non, il n'y a pas de sanctions qui doivent être prises à l'intérieur de l'entreprise, mais on va attendre. Parce que, vous savez, là, on est en train de parler de Bayou, Quatennens, des noms célèbres et tout ça. Mais moi, je peux vous dire que j'ai des témoignages, évidemment, que ça se passe dans les sociétés d'assurance, ça se passe dans des showrooms, ça se passe dans des usines, où des femmes me racontent ce qu'elles subissent. Donc, il s'agit aujourd'hui de se demander comment on sort de ça massivement, et non pas seulement pour les petits cas emblématiques. Et je le dis, on peut pas seulement attendre. Les cas emblématiques, ça aussi d'exemple, quand Jean-Luc Mélenchon en premier réflexe soutient Adria Quatennens, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une faute politique, une erreur politique, comme l'a dit par exemple Yannick Jadot sur ce plateau la semaine dernière ? Je veux bien vous le redire. Il y a là la confusion entre deux registres, un registre privé de l'ordre de l'amitié, et qu'on peut continuer à éprouver pour Adria Quatennens. Vous savez, quand un homme chute, c'est pas mon moment de le flinguer une deuxième fois. Bon, quelque chose qui est de l'ordre public, qui est qu'on attend d'un dirigeant politique qui défende ses principes avant les siens. Maintenant, une fois que ça s'est dit, et que il me semble l'avoir dit, et là je le redis avec clarté, c'est pas parce qu'il y a une erreur qu'on doit dire jeter le bébé Mélenchon, avec l'eau du bain. Voilà, je veux dire, des erreurs, moi j'en ai commis un paquet. Est-ce que vous pouvez dire autour de cette table que vous n'en avez pas commis ? Tout le monde commet des erreurs. Est-ce que c'est un motif pour être éliminé de la vie publique ? Et que, vous savez, quand même, il y a une espèce de poids de mesure. Je vais arriver sur un terrain plus politique, si vous voulez bien. Est-ce que le retrait d'Adria Quatennens accélère la succession de Jean-Luc Mélenchon ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je veux dire, l'objet n'est pas là. L'objet est de se demander comment on fait pour... Ça a des conséquences politiques aussi. Vous savez que je ne viens pas pour parler de tambouille politique. Moi, je viens pour parler... On va en parler un tout petit peu. Non, mais moi, je ne viens pas pour parler de tambouille politique. Ça ne m'intéresse pas. 2027, ça vous intéresse non, pas? Non. Aujourd'hui, moi, je me suis rasé ce matin et ce n'est pas la pensée qui m'est venue à l'esprit. La pensée qui m'est venue à l'esprit ce matin quand je me suis rasé, c'est comment je vais faire pour parler des caristes? Comment je vais faire pour parler des manutentionnaires? Comment je vais faire pour parler de Christophe? Comment je vais faire pour parler de Christophe, conducteur de car. Je termine et vous me relancerez, monsieur. Ah, très vite. Christophe, conducteur de car, qui est aujourd'hui payé 700 euros parce qu'on lui demande de faire 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi pour aller chercher les gamins, et qui se dit mais comment je peux vivre avec ça, et qui va piquer des trucs dans les supermarchés. Voilà de qui je veux parler. Voilà quelle est mon obsession quand je me dis je vais passer au grand jury ce midi. Comment je vais faire pour parler de ça, de cette France qui mérite le respect? Alors, au-delà Au-delà de vos pensées au moment de votre rasage, est-ce qu'il vous arrive aussi de vous dire qu'il faut vous préparer à 2027 et que c'est quelque chose qui peut arriver? On verra. On verra. Franchement, je ne perçois pas l'urgence là. On a 5 ans pour construire. Ce que je sais, c'est que dans 5 ans, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne pour Christophe, conducteur de Topcar. Je veux qu'on gagne pour les auxiliaires de vie sociale. Je veux qu'on gagne pour les agents d'entretien. Je veux qu'on gagne pour elles toutes et pour eux toutes. Voilà. Et vous allez gagner avec Jean-Luc Mélenchon? Il est évident que Jean-Luc Mélenchon est un personnage important, sinon central, de la vie politique française à gauche. C'est lui qui a remis la gauche sur ses deux jambes. Je veux dire, on parlerait même plus de la gauche aujourd'hui. On serait dans la situation de l'Italie s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon pour reprendre le drapeau et le porter quand même assez haut, quoi. Est-ce que vous voulez pas trop de soucis à LFI pour l'instant? Pardon? Vous voulez pas trop de soucis à la France insoumise pour l'instant? Non, mais c'est pas le sujet. Moi, il me semble que je viens vous parler avec franchise, avec sincérité. Mais vous voyez que des fois vous faites réagir à l'intérieur de votre famille. Quand il y a soucis, je le dis. Quand il y a tout ce qui est positif, je le dis aussi. Et je vous dis que aujourd'hui, on parlerait même plus de la gauche. Ça serait un souvenir. Ça serait des cendres s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon. On serait dans la situation de l'Italie. On ne l'est pas. Le match n'est pas gagné. Aujourd'hui, pour moi, on a un effondrement du bloc libéral dans la durée. C'est-à-dire, auparavant, ils pouvaient même se permettre de se diviser entre la gauche libérale et la droite libérale. Donc, il y avait deux partis qui se tiraient la bourre et c'était entre les deux que ça alternait. Maintenant, ils en forment plus qu'un seul autour de Macron parce que ça se réduit. Et ça se réduit encore. Effondrement du bloc libéral dans la durée. Qui va gagner, du coup? Est-ce que ça sera de l'autoritaire avec réactionnaire, ou bien est-ce que ça sera un bloc de gauche qui va l'emporter? Voilà la bataille qui est en cours. Et avec qui on vous reposera la question. Amélie Kerouer, on va maintenant passer à l'actualité internationale et européenne. L'Ukraine, vous prenez une évaluation, vous l'avez dit cette semaine, des sanctions contre la Russie. Donc vous pensez que les sanctions pourraient finalement nuire plus à l'Europe qu'à la Russie? Alors déjà, dire que les référendums qui ont été posés cette semaine par M. Poutine sont une mascarade, dire notre totale solidarité avec l'Ukraine, dire que finalement on se retrouve dans un scénario qui n'était pas prévu. Je pense que personne ici l'avait prévu. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce scénario-là? C'est que M. Bruno Le Maire nous disait, grâce aux sanctions économiques, il va y avoir un effondrement de la Russie dans les 6 mois. Il ne se produit pas. Ça résiste plutôt sur le terrain économique. Et bizarrement, c'est là où on pensait qu'il n'y aurait aucune chance de résistance pour l'Ukraine, c'est-à-dire sur le terrain militaire, que ça résiste le mieux et que même aujourd'hui, il y a une contre-offensive ukrainienne qui est en cours et même des brèches qui s'ouvrent dans l'opinion publique russe. Et à ce sujet, moi, je veux dire un point central. Notre adversaire, c'est le régime qui est à Moscou. Notre adversaire, ça n'est pas le peuple russe. Je fais le distinguo entre les deux. Parce que j'interroge la mesure. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce que je pense qu'il faut tout faire pour dissocier le peuple russe de M. Poutine. Et c'est le principe des sanctions. Mais non. Quand vous regardez ce qui se passe sur les visas, par exemple, pourquoi on n'accorde pas des visas aux citoyens russes qui veulent quitter leur pays? Je veux dire, pendant qu'il y avait l'Union soviétique, on accordait des visas aux citoyens soviétiques qui voulaient fuir. Pourquoi aujourd'hui, les citoyens russes qui veulent quitter le pays, on ne leur permet pas, au contraire, de fuir le pays? Et je pense que là, il y a une assimilation des Russes au régime de Moscou qui n'a pas lieu d'être parce que ça craque à l'intérieur. Une autre question, rien à voir. Vous défendez le football comme un sport populaire par excellence. Est-ce que vous pensez qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Vous voulez dire, est-ce que les footballeurs doivent la boycotter? Les footballeurs, les téléspectateurs, vous par exemple, est-ce que vous regardez les matchs? Je pense qu'il est difficile de demander à un footballeur pour qui c'est la plus grande compétition s'aborder. Je suis dubitatif, on peut toujours lancer des appels comme ça, mais je doute que ça se produise.

peux vous dire, vous savez pas votre texte. Puisque vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander, alors, tiens. J'ai assez de mal à répondre ce que vous me demandez. Eh bien, tenez, profitez donc de l'occasion pour me dire, combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans et de dehors. Oui. Est-ce qu'il a des complexes? Oui, monsieur a un complexe. Ah oui, quel complexe? Il prend sa vessie pour une lanterne. Ah oui. Et alors? Et alors, il se brûle. Eh oui, forcément, c'est ce qu'il a dit. Voulez-vous me dire alors de quelle nationalité, madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui, et sa mère? Possède surprise. Oui. Et ta sœur? Et Valbeur. Oui, Tempête de battre à la mesure ou pas à la Oui, vous en prie, c'est ça. Madame Arnica, oui. Madame Arnica, alors oui. Une question très importante. Oui. Madame Arnica, pouvez-vous me dire, c'est très grave ça, pouvez-vous me dire le numéro, approchez monsieur, le numéro du compte en banque de monsieur. Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Elle peut le dire, elle est extraordinaire. Bravo, madame Arnica. Et alors, pour terminer, madame Arnica, voulez-vous me donner un détail sur monsieur, n'est-ce pas? Monsieur a-t-il un signe particulier? Oui, monsieur a un signe particulier. Ah oui? Un tatouage. Un tatouage, c'est bien exact, monsieur? Oui, bien sûr que c'est exact. Oui, non, mais c'est pas à vous que je le demande. Alors, moi, que je le dis, c'est que c'est vrai. Bon, monsieur a un tatouage. Voulez-vous me dire où est situé le tatouage de monsieur? Délicat. Non, je vous prie de répondre, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans le domaine scientifique. Oui. Alors, madame Arnica. J'arrête. Bon, d'accord. Alors, voulez-vous me dire ce que représente le tatouage de monsieur? Ah, ce qu'il représente? Oui. Le tatouage de monsieur représente, d'un côté, la cueillette des olives en Basse-Provence. Oui. Et de l'autre, un épisode de la prise de la Spalade d'Abdelkader par les troupes du Duc d'Aumale en 1843. C'est parfait! C'est parfait, dites-moi, c'est en couleur? Ah oui, c'est en et couleur. Et c'est en couleur, c'est bien exact, monsieur, parfaitement. Eh bien, vraiment, on peut dire qu'elle est sensationnelle. Vraiment, elle est vareuse. Eh? Elle est vareuse. Ouais. Elle est vareuse. Non, elle est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements. Nous l'applaudissons quand même bien fort, pendant que madame Arnica envoie des baisers à l'assistance publique. Envoyez des baisers à l'assistance publique. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Merci, Madame la Présidente. Qui a dit « Je regarde en ce moment sur mon territoire, mais il n'y a pas beaucoup d'offres » Christophe Genty. Il était à votre place, à notre place, il y a 3 mois. Un député du Modem, désormais au chômage. On pouvait se dire, lors de la précédente réforme, que vous l'aviez faite par ignorance de ce qu'était le chômage. Vous pourriez au moins maintenant le demander à vos collègues battus en juin et qui pourraient vous dire qu'il n'est pas si facile de retrouver un emploi, qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour retrouver un emploi et comme vous vous apprêtez à le faire, qu'il n'est pas si facile de changer de région pour trouver un emploi quand on a une famille, quand on a une maison et que les gens ne sont pas des choses qu'on déplace au gré d'une réforme de l'assurance chômage faite pour maltraiter les chômeurs, pour pouvoir encore faire pression à la baisse sur les travailleurs, y compris ceux qui sont en emploi. Car c'est ça que vous préparez, une loi et une réforme de dumping généralisé pour tirer vers le bas. Et d'ailleurs, l'un de vos maîtres à penser, Alain Minc, l'a dit très clairement, pour lui, la réforme de l'assurance chômage a un objectif, tirer vers le bas les salaires des Français pour soi-disant restaurer la compétitivité de l'économie française. Alors, par cet amendement, nous disons des choses simples, claires. Il y a une loi qui va être votée peut-être, à moins que nous arrivions à la mettre en échec, ce que je souhaite. Mais dans notre pays, l'assurance chômage doit relever des discussions entre syndicats et patronats. Nous vous demandons par cet amendement de dire solennellement que si une loi devait être adoptée immédiatement, des négociations doivent s'ouvrir pour que Merci patronat conclure, et syndicats reprennent le contrôle de l'assurance chômage, car quand on vous la confie, c'est seulement de la maltraitance et de l'arrogance. revue de presse. Alors, revirement. Halloween, source d'inspiration dans la cité des Chanoinesses. Mercredi 28 septembre 2022. Voilà, hein? Voilà, voilà. Ensuite, ma femme et moi, nous sommes sans travail. Ma mère est morte dans un accident de voiture. Nous avons 3 enfants et nous vivions dans la maison de ma grand-mère, qui malheureusement nous a quittés cette semaine. Mon père doit travailler à 73 ans. S'il vous plaît, compatir pour besoin d'aide. Signé Williams, Prince de Galles. De l'artisan à l'industriel, tout le monde trinque. C'est à Épinal, hein. Ensuite, le naufrage d'un bateau de migrants fait 100 morts. L'Égypte, premier client d'armement français. Nucléaire, Berlin pense garder 2 centrales en service. Afghanistan, l'ONU s'impatiente face aux talibans. Le saviez-vous ? La France a eu un jour un ministre du Travail qui savait ce que travailler veut dire. Dès l'âge de 13 ans, il avait travaillé en usine. Il s'appelait Ambroise Croizat. Nous lui devons la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures supplémentaires, la médecine du travail. Réveillez-vous. C'était 2 décembre 2016. Hein. Il a fait tout ça en moins d'un an et demi entre 1945 et 1947. Et les manuels d'histoire, et les professeurs d'histoire, sans doute, se gardent bien de parler de lui. Il est tellement à mille lieues de nos politicards nantis. Oh, politicards nantis, oh là là là, déconnectés et mal intentionnés, oh là. Les puissants préfèrent que le peuple l'oublie. Ça pourrait nous donner de mauvaises idées. Oh, des idées. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et qui a signé ce texte ? Ambroise Croizat. Vous savez ce que dire, vivre veut dire, hein ? Connaissez-vous Marguerite Cazeneuve ? La future réforme des retraites, c'est elle. Son père est député LREM. La République en marche. Ouais, si elle met le pied gauche, enfin bon. Son père est député LREM. Son frère est député LREM. Son mari est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. C'est une McKinsey. Les retraites des monarques nous coûtent cher. Alors, Giscard, 2,5 millions d'euros par an, il nous coûtait Giscard. Heureusement, la nature s'est occupée de faire le ménage. Chirac, 1,5 million d'euros par an, lui aussi nous a quittés. On l'a beaucoup pleuré. Sarkozy, 2,2 millions d'euros par an. Eh oui, 2,2 millions d'euros par an. Et quand il sera en prison, est-ce qu'on lui... On continuera à lui verser 2,2 millions d'euros par an, hein, parce que il a 3 fois 1 an de prison en suspens là pour l'instant. Hein, l'appel est suspensif, mais seulement suspensif. Pour la fin des privilèges, la 6e République. Voilà, il faut voter pour la 6e République. Quand on aura l'occasion de voter, on va voter intelligemment. Vous allez voir. Oh, l'électeur français, c'est pas l'euro des imbéciles. L'électeur français. C'est un exemple pour le monde entier. Ah oui. Remiremont, la technique d'engazonnement du cimetière comme enjeu écologique. Ah, ils vont être contents les écolos. Hein? Ah. Annie Ernaux, première Nobel de littérature en France. En récompensant Annie Ernaux, le comité Nobel célèbre une œuvre autobiographique au long cours, mais aussi une autrice française d'origine populaire, devenue une référence pour les féministes. d'origine populaire. Tiens, on peut être d'origine populaire et être cultivé. Pratiquer la culture. Eh oui. Comment grandissent les enfants en France ? Grossesse, accouchement, alimentation des mamans, rapport des petits aux écrans, lien entre frères et sœurs, croissance des enfants nés de PMA. Trois grandes études éclairent la manière dont on est et grandit en France. Elles tracent des pistes de politique publique. Ouais. Et le chômage. Allons. Un nouveau visage pour la très fréquentée rue de la Courtine, à Remiremont. Voilà. Refaire les rues, regoudronner les rues, c'est lutter contre le chômage. Eh oui. Distinction, un trio Belarus, russe et ukrainien, a été nommé Nobel de la paix. Tiens, drôle de coïncidence. Dans un choix hautement symbolique, eh oui. En faveur de la coexistence pacifique, le Nobel de la paix a couronné vendredi un trio de champions des droits humains en Ukraine, en Russie et au Bélarus. Ah oui, il faudrait donner le pouvoir à des gens honnêtes et intelligents. Honnêtes et intelligents. Eh oui, tous les politiciens ne sont pas comme ça, hein. Vosges, hausse des prix de l'énergie et régularisation de charges, une usine à gaz à Remiremont. Bon, je ne sais pas ce que c'est l'article, mais bon, voilà le titre. Hein. Des travaux d'isolation par l'extérieur sont toujours en cours au banc de commerce du quartier de Rumont à Remiremont. L'hiver approche. Alors le quartier de commerce, pourquoi il s'appelait comme ça ce bâtiment-là ? Hein ? Ben parce qu'il y avait des commerces. Il y avait un bureau de poste, bon, service public. Il y avait la caisse d'épargne, il y avait une pharmacie, hein, et oui, c'était le banc commerce, oui. Alors, on continue à s'appeler banc commerce, mais il n'y a plus du tout de commerce, hein. Ah bah, l'exécutif, on est en train de tout démolir à Remiremont, au Rumont. L'exécutif face à l'exemplarité de tous deux poursuivis pour prise illégale d'intérêt. Alexis Kohler et Éric Dupont-Moretti, vous savez, le ministre de la Justice, hein, sont mis en cause par l'association Anticor qui assure œuvrer pour la démocratie dans une action politique, mais pas politicienne. Non, non. Vous voyez un peu le ministre de la Justice, ancien avocat, qui partirait entre deux gendarmes, les menottes au poignet, direction la prison. Ça jettera un discrédit sur la Cinquième République. Enfin, sur la fin de la Cinquième République. Hein. Saint-Maurice-sur-Moselle, les ailes, ZE2LES, reprennent l'entreprise Brunzer. Un nouveau départ pour 47 salariés. Alors, un départ pour entrer dans l'usine ou pour sortir de l'usine ? Je n'ai pas lu tout l'article, j'ai lu que le titre. Sébastien Raoult, le Vosgien accusé de cybercriminalité, sort du silence. Pour la première fois depuis son incarcération au Maroc, le 31 mai dernier, Sébastien Raoult a pris la parole dans une lettre adressée à plusieurs médias et dictée depuis sa prison. Un courrier dans lequel il dit être victime d'une injustice et où il demande à être jugé en France. Dans ce courrier que Vosges Matin a également reçu, il assure être innocent et formule le souhait d'être jugé en France. Je suis victime d'une injustice. Point de suspension. Il y a un passage qui manque. Dans cette affaire, mon identité a été détournée, usurpée, afin que je serve de bouc émissaire dans des activités de cybercriminalité réalisées depuis la France auxquelles le FBI, what is it, pense que j'aurais participé, écrit-il. C'est difficile pour moi de ressentir autre chose qu'un amer mélange d'abandon et de trahison. Abandon et trahison. Ma place est en France où je demande à être jugé. Le gouvernement français ne parle pas. Non, c'est le FBI qui commande. FBI, CIA gouverne la France. Eh oui, quand les électeurs se prennent pour des larbins et qu'ils votent mal, ben voilà. disons, vol de métaux, un nouvel Eldorado de plus en plus convoité. Avec la flambée des cours des métaux, de plus en plus de gens peu scrupuleux se lancent dans ce business juteux. De nombreux sites sont en effet la proie des gens obnubilés par la présence en masse de cuivre et d'inox, désormais revendables à prix d'or. Alors on vend le cuivre et l'inox à prix d'or? Ah bon? Oh ben heureusement qu'on a le journal pour être informé, hein. Ah oui, et puis business juteux, alors c'est entre guillemets, business juteux, alors business, hein, je dis business, hein, business, j'écoute trop les radios locales, les radios libres, hein, business, ah non c'est business qui est écrit, B-U-S-I-N-E-2-S, deux points, ouvrez les guillemets, what is it? Ouadou, c'est un scandale, mais il fallait se réveiller avant. Il y a près de 10 ans déjà, Abdes Ouadou avait demandé l'annulation du Mondial 2022 au Qatar après avoir constaté à ses dépens, à la fin de sa carrière de joueur, le non-respect du droit du travail du côté de Doha. C'était encore possible de faire changer les choses à l'époque. Alors que nombreux ont été ceux à demander un boycott de la compétition, c'est malheureusement trop tard. Peut-être, selon l'ancien défenseur de la SNL. L'espace Arnaud Beltrame salue l'héroïsme d'un gendarme. L'acte héroïque du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Qui se souvient de colonel Arnaud Beltrame? Il y a 4 ans. Ben oui, ça fait 4 ans déjà. Hein, qu'on en... Dans l'aube, qui s'est sacrifié pour sauver un otage, a marqué le village de Remicourt. Les élus ont choisi d'inaugurer un nouvel espace baptisé Arnaud Beltrame en présence des autorités et des élus. Opération coup de poing des parents du Val d'Ajol dans un collège reconstitué. Moi j'y suis allé, mais j'ai pas vu de quelqu'un donner des coups de poing. Hein. Non. Il y avait des gens qui étaient allongés sur des chaises longues, qui écoutaient de la musique, qui discutaient. Voilà. Ben, il y a passé un enregistrement. Hein. Concurrence, baisse du pouvoir d'achat, les magasins bio entrent en résistance. Ah, tiens. Le magasin La Manufacture Bio, situé dans la zone de Moulins, à Saint-Nabord, a fermé ses portes définitivement, il y a quelques jours. Il était installé là depuis 2018. Eh oui, le capitalisme en fait des victimes. Eh oui, il suffit pas d'être écologiste. Il faut être anticapitaliste pour sauver le... Enfin, ouais. Borne en Algérie, geste mémoriel et gaz. Alors Borne, c'est la ministre, hein, premier ministre, hein, c'est pas une borne. Hein. Elisabeth Borne poursuit ce lundi sa visite de 48 heures en Algérie, 5 semaines après Emmanuel Macron. La première ministre vient confirmer le réchauffement des relations entre les deux pays, mais aussi négocier une hausse des importations de gaz algérien. Alors, en France, société, plus de 42 000 enfants étaient sans domicile en France le 22 août 2022, selon le décompte d'UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité. 42 000 enfants SDF en France. Vous n'êtes pas honteux, les électeurs, d'avoir voté pour des députés, des sénateurs, des etc., qui... qui agissent comme ça. Ah là là. Bientôt, on sera honteux d'être français. Hein. Ah oui. Quand on ira à l'étranger, on dira qu'on est belge ou suisse. Mais bon. À 11h30, le 1er juin 2009, à 11h10, la gendarmerie des transports aériens de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est informée qu'un Airbus A320-200 en provenance de Rio de Janeiro est porté disparu. Une information judiciaire est ouverte, plusieurs rapports d'enquête et d'expertise sont déposés tout au long de l'instruction, le 5 juin 2009. Le 6 juin 2009, les premiers débris de l'avion sont retrouvés. 17 et 18 mars 2011, 2 ans plus tard, Airbus et Air France sont mis en examen. 2 ans. 3 avril 2011, l'épave de l'avion est localisée. 1er et 2 mai 2011, les enregistreurs de vol sont récupérés. 12 juillet 2019, On est parti de 2010, on arrive à 2019. 10 ans sont passés. Le parquet de Paris requiert le renvoi d'Air France à correctionnel et un non-lieu pour Airbus. Ben, quand il y a des morts, c'est pas la correctionnelle. Hein. De 29 août 2019, les juges d'instruction ordonneront un non-lieu en faveur des deux entreprises. Parquet et partie civile font appel. Voilà, voilà, voilà, voilà. Ensuite, le 12 mai 2021, on est parti le 1er juin 2009, nous voilà arrivés au 12 mai 2021, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris renvoie Airbus Air France devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Homicide. Homicide involontaire, oui, involontaire, mais homicide. 10 octobre 2022, ouverture du procès jusqu'au 8 décembre. On sait que ça durera jusqu'au 8 décembre. Voilà. Les familles attendent qu'il n'y ait pas d'impunité pour Airbus et Air France. Salveco, des désinfectants naturels vers une chimie plus durable. Ah. Des désinfectants 100% naturels depuis plus de 20 ans, le laboratoire de recherche Salveco, implanté à Saint-Dié, fabrique et élabore des produits d'entretien et d'hygiène uniquement à base de molécules végétales. Une spécificité qui permet notamment de remplacer les ingrédients issus du pétrole utilisés dans les désinfectants classiques. Eh oui, tout ce qui vient de la nature, c'est bon. Eh oui. Bon, sauf les ammonites phalloïdes, hein, bien sûr, quand même. Hein, oui. Hein. Eh oui, l'alcool, ça vient aussi de la nature. Bon, c'est un peu fabriqué, mais... Alors, est plutôt artisan comme mentalité. B veut la place de A. Il n'est pas trop artisan, plutôt courtisan. Ça tombe bien, on préfère les courtisans à la cour, dans la cour, autour de la cour. Alors on pousse A dehors et on met B à la place. Facile? Non? Pas sûr. Parce que A veut peut-être pas se laisser faire et qu'il a peut-être le moyen de se dérebiffer. Comme on est prudent, qu'on est sensible à la douleur, aux mauvais coups éventuels, on va procéder méthodiquement, comme à la chasse à cour. On isole la bête, travail de sape, assez long, mais facile, et sans risque, puis enfin l'analyse. Et là on a son petit avantage local, individuel, avancement, mutation ou autre. Les courtisans, ils sont quand même plus intelligents. Tout le monde devrait faire comme eux. Un monde peuplé seulement de gens intelligents, ce serait drôlement bien, non? Du matin au soir, tu rencontrerais que des courtisans. Les courtisans sont importants. Ils jouent dans la cour des grands. Il y a des exceptions, cependant. Bien qu'assez grand pour jouer dans la cour des grands, De Gaulle n'était pas courtisan. Ni Jean Moulin, pas comme Darlan ou d'autres. Des qui sont gaullistes, soi-disant. Sûrement été pétainiste, autrement, avant. Maintenant, c'est différent. Ah oui, j'oubliais. Le chômage. Vous savez le mot qui ne figure pas dans Vosges Matin. 32 pages sans que ce mot-là le figure une seule fois. Alors qu'il y a des tas d'autres mots qui sont parfaitement inutiles, qui figurent abondamment. On se demande pourquoi on paye un abonnement à un journal, à la télé, à ci, à ça. On paye pour consommer des choses avec lesquelles... Alors le chômage. Eh bien, il y a 6 millions de chômeurs en France, dans ce beau pays de France, ce pays démocratique, etc., où les électeurs ne votent que pour des gens honnêtes et intelligents. Hein. Eh bien, 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça. Oui, je sais, j'ai déjà dit. C'était en Allemagne, en 1933. Hein, 1932 déjà. En 1932, les Allemands, ils ont voté pour un parti 24%. Bon, le chancelier... Le maréchal Hindenburg, qui était président de la République allemande à l'époque, au bout d'un an, il a cassé cette chambre-là, puis il a provoqué de nouvelles élections, pensant que les Allemands avaient eu le temps de réfléchir et qu'ils allaient voter de façon radicalement différente. Eh bien non, ils ont voté, ils ont donné le pouvoir à un certain Adolf Hitler. Eh oui, 6 millions de chômeurs, une dictature, le nazisme, et une guerre mondiale. Alors, électrices, électeurs, rappelez-vous du passé, essayez d'en tenir compte. Hein, Oui, il faut que les Français arrêtent de voter bête, hein? Eh oui, parce qu'on en a quand même sur le dos des erreurs, hein? Des erreurs de nos gouvernants, de nos politiciens. Eh oui, oh, ils en ont de la sueur sur les mains, les politiciens, ils ont surtout du sang.